22h. David Rifon, bonsoir. Les syndicats du rail maintiennent la pression sur le gouvernement fédéral et la direction de la SNCB. Le préavis de grève est maintenu pour 5 jours en janvier, les 6, 7, 21, 22 et 23 janvier. CGSP Cheminots et CSC Transcom se sont réunis cet après-midi. Les syndicats souhaitent qu'un démineur soit désigné pour clarifier la situation d'ici le 31 décembre et examiner les pistes possibles pour sortir de cette impasse. Ils n'accepteront de rencontrer le conciliateur qu'après le rapport de ce démineur. Mineurs. Les représentants dénoncent toujours le plan d'économie de la SNCB pour les prochaines années. À l'issue de cette réunion, je vous propose d'écouter Michel Abdissi, président de la CGSP Cheminots. Au vu du caractère très difficile du dossier et afin de désamorcer au mieux les conflits, le Front commun syndical demande la désignation d'un démineur afin de déterminer le cadre des discussions, c'est-à-dire les sujets qui seront négociés. Il disposera jusqu'au 31 décembre pour prendre les contacts nécessaires avec les parties afin de déterminer ce que chacun désire, ce que chacun est prêt à négocier et il rédigera un rapport en ce sens. Si ce cadre ainsi défini convient au Front commun syndical, le conciliateur pourra être désigné et les préavis seront suspendus afin de donner toutes les chances à la conciliation et de retrouver un climat de confiance au sein des chemins de fer belges. Michel Abdissi, président de la CGSP Cheminots. Les propos étaient recueillis par Pierre Magos. On se dirige par contre vers une sortie de crise dans les prisons. Une réunion s'est tenue au service public fédéral justice entre Koen Gaens, le ministre, et les représentants des syndicats du personnel pénitentiaire. Un protocole d'accord a été signé. Les syndicats ont reçu des assurances dans divers domaines qui les inquiétaient. Les primes, les pensions ou encore le budget habillement. Au chapitre économique, un avenir pour les activités du groupe de boulangerie industrielle Le Bon Grain à Morlanwey. Le travail a repris vendredi dernier. 3 candidats repreneurs ont fait des propositions aux curateurs, dont le groupe La Lorraine. Les négociations avec la direction se sont poursuivies cet après-midi et un accord a été trouvé ce soir. Vinciane Vautron, ce n'est pas beaucoup, mais 65 emplois sur 280 vont être sauvés. Les syndicats et le curateur sont parvenus à un accord de principe. La Lorraine est un des leaders sur le marché belge de la boulangerie. Ce groupe industriel est intéressé par la reprise d'un des 2 sites du Bon Grain à Morlanwey. 65 travailleurs seront repris, dont 58 ouvriers et 7 employés. C'est un peu plus d'un tiers des travailleurs actuels, sans compter les intérimaires. La liste des travailleurs repris n'a pas encore été dévoilée. Les conditions de reprise doivent encore être finalisées. Quant au deuxième site de Morlanwey, Panif Food, le curateur attend la lettre d'intention d'un candidat repreneur. Le travail de nuit pour le commerce électronique, l'e-commerce, ce sera bientôt possible. Un accord cadre sectoriel a été conclu ce lundi par les partenaires sociaux. Un accord un peu inattendu car les négociations étaient encore dans l'impasse la semaine dernière. Tous les partenaires sociaux ont signé l'accord. Il y a désormais donc une solution durable pour l'e-commerce. C'est félicité le ministre de l'Emploi, Chris Peters. Le ministre est convaincu que l'autorisation du travail de nuit créera de nouveaux emplois. Les 5 personnes interpellées hier soir à Bruxelles et ce matin à Laeken dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Paris. Ces 5 personnes ont été relâchées en fin d'après-midi après leur audition. L'enquête se poursuit concernant ces 5 individus. Elle se concentrait autour des conversations téléphoniques préalables aux attentats du 13 novembre à Paris. Les forces de l'ordre sont particulièrement sollicitées suite aux événements de ces dernières semaines et notamment avec le maintien du niveau 3 d'alerte terroriste, sans compter la poursuite de la grève dans certaines prisons, même si on devrait sortir de l'impasse à ce niveau, je vous l'ai dit. Qu'en est-il dès lors des contrôles alcoolémie renforcés en cette période de l'année dans le cadre de la campagne Bob? Auront-ils bien lieu? Oui, cela reste une priorité, insiste le commissaire Michael Jauniot, porte-parole de la police fédérale. La police fédérale doit vraiment être en mesure de pouvoir travailler sur différentes priorités. Il y a bien entendu la menace terroriste, mais celle-ci en est une aussi. Rappelons-nous que chaque année, nous avons sur les routes belges plusieurs centaines de tués, 727 en 2014, dont 25% sont causés par une conduite sous influence. Donc ça doit rester une priorité pour la police fédérale. Nous voulons absolument essayer d'atteindre les 50 000 contrôles pour la police fédérale au total pour l'ensemble de la police 250 000 contrôles et nous verrons d'ici fin janvier si nous aurons réussi à y parvenir, mais c'est vraiment un objectif que nous souhaitons atteindre. Des propos recueillis par Xavier Moulinho. Et puis un mot de sport, Sepp Blatter et Michel Platini vont faire appel de leur suspension de 8 ans de toute activité liée au football. Sanction infligée ce matin par le comité d'éthique de la FIFA pour conflit d'intérêts et gestion déloyale. En cause, ce fameux versement en 2011 d'1 800 000 euros à Platini pour une mission effectuée 10 ans plus tôt. Sepp Blatter annonce qu'il va saisir le tribunal arbitral du sport de Lausanne. Platini, de son côté, évoque une mascarade, une mise en scène pour l'abattre. Il est 22h05, c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve à 23h. For life. De 22h à 2h avec Sarah de Padua. Bonsoir tout le monde, c'est parti pour la cinquième soirée ici dans le Cube de Verre, place de la Digue à Charleroi. Faites du bruit, il y a encore pas mal de monde ici, place de la Digue. Et pas mal de scouts, de guides aussi, bref, de foulards colorés, parce que ce soir, c'est une soirée spéciale feu de camp. On va bien s'amuser avec tous les copains de Vivacité, de la Une Télé. On va chanter, on va faire un feu, enfin dans la tête, vous voyez ce que je veux dire. Après, on va surtout sortir le chansonnier. Et donc, n'hésitez pas à partager la musique que vous aimez. On est là pour ça, évidemment, pour ces 80 000 enfants qui vivent dans la pauvreté. Eux, à mon avis, les scouts, ils oublient. Hein, donc, ça, c'est clair. Donc, on est là pour leur venir en aide via le site vivaforlife.be ou alors par SMS, c'est tout simple. Si vous n'avez pas trop envie de choisir une musique, si vous n'avez pas trop le temps aussi, c'est le 4001. Démarrez votre message par votre numéro de compte, un espace, et puis le montant que vous allez verser à l'opération. Et il y a le numéro de compte aussi, facile, 8 x 0, 37, 37, 8 x 0, 37, 37, avant, dernière soirée, demain, et puis c'est terminé. On ne pourra plus agir, on ne pourra plus rien faire, donc il faut le faire maintenant. vivaforlife.be. Il y a quelqu'un qui est là, on m'a dit toc, toc, toc, la sonnette, bonjour. Toc, toc, toc. Que tu fais ding dong. Mais vous savez que moi je préfère frapper aux portes, oui, plutôt d'accord. que de sonner. Moi quand aussi. J'arrive chez quelqu'un, je frappe plutôt. Oui. Candice Cotter est là. Bonjour, bienvenue. Candice, ça va pas trop froid parce que vous avez passé une partie de l'après-midi sur la place de la Digue. Sur la place de la Digue, on a vendu de la soupe, des bols faits main. On vous en amène d'ailleurs en studio. Oui. Celui-là, on s'est dit que c'était un bol viril. Noir. Bleu. Ah, d'office, alors c'est pour moi. Ben, c'est pour vous. C'est ben de la terre cuite, c'est céramique. Effectivement, mais Aurélie va vous dire ça mieux que moi. Oui, oui, c'est de la céramique, du grès, donc ça résiste à tout, four, la vaisselle, micro-ondes, ouais, c'est fait pour vivre. Cool. Donc, c'est un voilà. truc viril, quoi. Mais on a surtout... ah. Oui, voilà. Candice va terminer la présentation. Il paraît que Sarah adore le blanc. Oui. Donc voilà. Oh, super. Blanc. C'est parce que je le vois plutôt gris. Je sais pas si c'est parce que je suis fatiguée. Mais je le vois plutôt gris. Je suis fatiguée Seb. Comme toi. Il est blanc, on confirme. Voilà, c'est du blanc gris, quoi. Disons que c'est du blanc passé à la machine avec c'est, du noir. C'est du blanc c'est sur les... de la... Non, mais non, vous avez raison, cela dit. C'est du blanc sur de la terre qui est une terre foncée à la base. Ah ben donc voilà. vous avez l'œil. Et on a pour Cyril le petit dernier ici qui est dans un dégradé de kaki en mat et en brillant. Mais merci ça, pour c'est... le cadeau. Voilà, c'est un petit cadeau pour vous. Comme ça, vous pouvez ramener ça à la maison. Vous avez... Donc, largement fini, mérité là. Ça. Tout, c'est fini, on a tout vendu et on vient. Vous n'avez plus de bol là maintenant. À partir de maintenant, vous n'avez plus de bol. Il n'y a plus de bol, on a vendu vraiment un max de trucs et on est très très heureux du résultat. On vous amène un chèque de 1635 euros. Bravo et bravo à vous, Place de la Digue, qui avez acheté les bols, les soupes, etc. Merci d'être venu. Vous attendiez une telle somme quand on espérait une telle somme et un grand merci à l'atelier Ose la Terre, à Aurélie Etienne qui s'est lancé dans l'aventure Viva for Life. Avec un cœur immense et beaucoup d'envie, beaucoup d'entrain, beaucoup de proactivité, plein de belles choses à faire, à vivre. Et le résultat est là sur le chèque, donc c'est vraiment un super grand plaisir de vous partager ça et d'aller mettre ses sous-sous dans la devanture du cube. On va aller mettre ça maintenant, donc ouais. On est super heureux de pouvoir super, le faire. Bravo, merci, félicitations. La musique a du cœur, la musique se partage aussi sur viaforlife.be. C'est le cas. Ouh là là. Alors je demande, on va danser ici, place de Qu'est-ce la Digue. Parce sur qu'il y a quelques gouttes. On va, oui, danser sur, on va danser sur quoi? Vous connaissez les Village People? Ah oui, YMCA. Viva for life. So J'espère que vous avez dansé à la maison au boulot parce que. J'étais petit, je chantais. Moi, j'aime. Skier. Skier, oui. Voilà. C'est Marie-Laurence à Bébange. 50 euros pour Viva for Life. Yes, merci. Continuez. VivaForLife.be. Partagez la musique que vous aimez. Qui je est te là fais les bruitages. Qui est là? Je préfère le. Qui est là? Allô? Hey, si vous c'est sonné rentrer. À la porte et se casser en courant, c'est nul comme blague, hein. Ah, oh, Luc Noël de Jardin et Loisirs Jovenot. Débarque, Adrien Jovenot, ça va les gars? Mais comme vous êtes beaux les garçons, comme vous êtes magnifiques. Parce qu'ils ont leur chemise de comme scout, avec le foulard aussi coloré, et même les chapeaux. Le chapeau, vous n'avez pas le short, je suis un petit peu déçu. Luc Noël en short, j'aurais aimé voir Luc Noël en short. On aurait aimé voir des poils. Oui, oui, oui, le short c'est uniquement à vélo. Ah bah oui. En ville, ce sont des longs pantalons. Ah, bienvenue d'accord. Les garçons, merci. Sympa. Merci Sarah, merci. Vous avez été scout vous-même? Évidemment, évidemment. Oui. Vous pensez bien, c'est une école de vie. C'est. Je vais vous dire un truc, Sarah, Sébastien, oui. Luc. Si j'avais pas été scout, il y aurait jamais eu de beau vélo de Ravel. C'est vrai, carrément. Ah, parce que pour moi, le beau vélo de Ravel, c'est un rassemblement scout. Ouais. Quasiment. En ah tout oui, cas, dans vrai. La philosophie. C'est comme ça, c'est vrai. Dans la philosophie, ouais. c'est un peu ça. C'est ouais. un peu la nostalgie de l'enfance, des balades en forêt, des petites fêtes entre amis. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Et voilà, et puis des feux de camp. Comme on va faire ce soir, on va bien s'amuser. Hein. On va pas faire un feu de camp parce qu'on risque de problèmes oui, avec non, on peut pas. Non, mais un feu de camp symbolique, le feu de camp qu'on a dans le cœur, qu'on a dans la tête. Luc Noël est là aussi. Jardin et loisirs, évidemment. J'ai pas été scout, donc j'ai pas de totem. Non. Mais j'ai campé allègrement. Il est ému, il a une larme à l'œil. C'est le générique de votre émission, en Luc. En fait, il n'en peut plus. Il en a marre d'entendre cette musique. Ça fait des années qu'il l'entend et il ne peut plus la saquer. On a changé entre-temps. Bonjour Marc, bonjour Luc. Vous pouvez nous faire un démarrage d'émission, Luc, justement enfants, sous le tapis. J'ai beaucoup campé dans la nature, évidemment, durant toute mon adolescence. Et mes enfants ont été scouts dès les baladins. Donc... Alors, ouais. On connaît la chanson des baladins. Vite, vite, vite, les baladins, on vous attend. Vite, vite, vite, les baladins, d'accord. C'est le rassemblement. C'est cela, est-ce oui. que c'est vérifié ou pas, ça je sais pas. Voilà, mes enfants ont été scouts et ouais. J'ai toujours deux enfants qui sont chefs d'ailleurs. Donc, c'est vrai. Quelle entité oui. Alors, quelle unité plutôt. Alors, l'unité de Pétigny, donc c'est dans la région de Couvain. Oui. Donc, j'ai ma fille Aurélie qui est chef de staff des baladins mm-hmm. et Valérie, elle fait partie du staff de chef des éclaireurs. On a des scouts ou des guides dans la place ici, sur la place de la digue. Est-ce que vous pouvez nous faire signe faire du bruit. Ah, quand même. Est-ce que vous êtes prêts à chanter aussi?

sentiras à l'école si jamais t'y vas. T'achètes un ami Pierrot, hey. Les bébés ça se trouve pas dans les magasins. Je crois pas que ta mère voudra que je lui fasse un petit dans le dos. Renaud, Morgane de toi, le choix de Annie à Etterbeek. 300 euros dans la cagnotte Viva for Life. Bravo, vous voyez que vous êtes nombreux à donner, mais vous pouvez mieux faire, j'en suis sûr. Objectif, faire exploser le compteur. Faites-le via vivaforlife.be à cette heure-ci par exemple, ou par SMS 40 01. Vous démarrez votre message par votre numéro de compte, un espace et le don que vous voulez verser à l'opération. Nous avons des petits bouts qui défilent à la boîte aux lettres. Coucou, coucou, ils sont vous. Bonjour, bonsoir. Ils nous font des coucous, ils ont des petits bonnets de Noël, etc. Et merci encore, vous êtes très nombreux à nous rendre visite ici, place de la Digue. Viens, approche-toi du micro. Gros bisous. C'est Sofiane, je pense, qui est là. Coucou, oui, Sofiane. Ça va? Tu es place de la Digue ici. Est-ce que tu habites Charleroi? Oui. Oui, tu as quel âge? J'ai 10 ans. Oh, ça me fait penser à la chanson d'Alain Souchon, tiens, quand on chante. Et si tu ne crois pas, je te tara de la gueule à la récré. Ouais. Oui, c'est ça. Sofiane, tu es scout, toi? Tu fais partie d'un mouvement de jeunesse? Des scouts, non. Des guides ou quoi? Non. Je faisais partie du patron, mais j'ai arrêté. Ah, d'accord. Et pourquoi t'as arrêté? Parce que j'étais trop occupée. Ah. Et tu fais quoi alors, du sport? Oui. Ah, et tu fais quoi comme sport, basket. Sofiane? Basket. Et t'es meneur alors? Tu distribues? Tu marques, oui, des paniers? C'est mon frère, c'est meneur. Ah voilà, et c'est Samy, ton grand frère, qui est à côté de toi. Gros bisous, on vous embrasse, et vous êtes passé tout à l'heure mettre des sous à la boîte aux lettres. Il y a des pièces en dessous. Ah, il y a des pièces en dessous. Heureusement qu'ils sont là, les garçons, quand même, pour nous le dire. Vous savez quoi, on va régler ça. Merci les gars. On va mettre tous les sous jusqu'au moindre centime dans la boîte aux lettres, bien évidemment. Encore des scouts, des guides qui vont débarquer ici dans le studio de Vert. Oh là là, Philippe Soreille, bonsoir. Philippe Lambeillon, c'est un peu la bande des Philippe, quoi, si je comprends bien. Bienvenue, les gars, dans le studio de Vert. Ça va bien? Ouais, super bien. Si j'avais su, j'aurais pris ma tenue carrément, parce que là, on n'a pas trouvé un chapeau à ma taille, la chemise est trop étroite. Vous n'êtes pas content. J'ai le slip de Hugo, je nage dedans, tandis que je porte une tente. Ah, mais j'avais trouvé le chapeau. Vous parlez bien dans le micro, les deux. Oui, absolument. Ben oui, voilà. C'est vrai que vous avez la même tenue. Vous savez quoi, on n'y croit pas à votre chemise, parce qu'elle est trop propre. C'est vrai, quand on va au guide, au scout, etc., les chemises sont un peu passées, quoi, normalement, avec plein de gris-gris aussi qui pendent. Mais c'est le début de la soirée, vous verrez tout à l'heure. À 2h du mat, on va voir comment est la chemise de Philippe. Parce que ça dure jusqu'à 2h du matin. Oui, exactement. J'étais pas prévenu, moi. Philippe Lambillon, vous étiez scout vous-même, étant plus jeune? Non, jamais. C'est vrai? Je suis trop individualiste que pour pouvoir participer à un groupe. Et même, j'ai pas du tout l'esprit scout, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Mais vous baroudez, vous faites le tour du monde, vous nous donnez des trucs. Mais c'est ça qui est assez étonnant. Et souvent, les scouts viennent me trouver, et ils me demandent de chanter avec eux ou de faire un feu ou me demander quel était mon totem. Mais en fait, non, je n'ai jamais été scout. Mais j'admire les gens qui font partie du mouvement, mais ce n'est pas mon truc. Philippe Lambillon, des carnets du Bourlingueur, n'a pas du tout l'esprit scout. Alors, je suis un peu scotché, moi. Je le voyais vraiment autour d'un feu de camp. Il le sait, le seul scout avec qui j'ai travaillé, c'est Adrien. Ouais. Et c'est vrai qu'on était très, très différents, parce qu'il y avait un côté Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Ouais. Et lui, il aime bien jouer au méchant. Et puis, moi, je suis un petit peu boy scout, je reconnais. Et lui, un peu plus Indiana Jones. Ouais. Mais ça faisait la peur. Hein, et donc c'est bien, il faut être différent. Cela dit, il est individualiste, mais quand il faut mouiller sa chemise pour une bonne cause, il est là. Et donc ça, c'est important. Ouais. Ça, c'est vrai. Parce que là, il faut quand même préciser que je suis en plein décalage horaire. Je rentre d'Australie. Donc pour moi, il y a 12 heures de plus. Bravo, alors merci d'être là. Oui, donc il fait quel temps en Australie? Justement, je peux déjà vous dire que je suis là jusqu'à demain matin. 8h. Oui. C'est l'heure à laquelle tu te réveilles, quoi. Oui, absolument. Oui. Donc en fait, c'est Crocodile Dundee qui est en direct avec nous aujourd'hui. Je reviens du Kakadu. Il y avait des crocodiles. Et dans sa valise, il y a des léopards. Oui, on pourrait le totémiser Crocodile ou Kangourou. On va en profiter pendant cette soirée. Comme il n'est pas scout, on va peut-être lui faire passer des épreuves. Exactement, j'allais dire. Pour totémiser, on ne fait pas ça n'importe comment. On va passer des épreuves. Attention. Vous allez nous installer une rivière. On va être accroché la nuit. Si c'est avec vous, Sarah, je suis d'accord pour toutes les épreuves. Je ne recule pas devant ce genre d'épreuves. Philippe Soreille, vous avez des scouts, vous? Ah oui, j'ai été scout, moi, oui. Pas très longtemps, mais j'ai été scout. J'étais plutôt louveteau, en fait. J'étais louveteau, puis scout, puis après, j'ai été totémisé, puis ça m'a suffi. Et c'était quoi votre totem, Philippe Soreille? Mes anges. Oui. Ah, ça arrive maintenant que vous le dites, vous avez un petit nez d'oiseau. C'était un petit nom d'oiseau, tant qu'à faire. Et il a su faire son nid à l'RTBF aussi. Hein. Joli. À l'époque. Mais il n'a pas toujours mis tous ses œufs dans le même panier. Non, c'est juste. C'est vrai que c'était pas le totem auquel je rêvais, hein, parce que quand on est adolescent et qu'on s'appelle mes anges, c'est un petit peu. Voilà, comme ça, moi j'aurais préféré tigre ou lion. Genre le roi de la jungle. Voilà, oui, c'est ça. Voilà. Mais bon, voilà, mes anges. Ça vous va bien. Vous savez quoi? Vous êtes tout en finesse. Vous avez des plumes plein la tête. Je suis content de les avoir plutôt dans la tête. Oui, j'ai pas dit ailleurs. Philippe Sarri, vous êtes là aussi avec votre guitare. Oui, vous allez nous jouer quelque chose à la guitare? Quelle chanson? Regardez, il a son chansonnier carrément. Mais non, c'est-à-dire que comme je ne savais pas de quoi il s'agissait, je me suis dit, je vais prendre ma guitare, puis je vais faire quelques petits titres, je sais pas. Comme quoi, par exemple? On commence par quoi? Je sais pas, moi. Quelque chose qui mette de l'ambiance. Les Champs-Élysées, par exemple. Oui, c'est vrai. Ok, c'est parti. Vous êtes prêts? Prenez votre gratte. J'aurais peut-être dû rester en Australie. Hein. Pas du tout. Et vous allez chanter, Philippe. Parce que vous n'avez pas l'esprit scout, mais vous allez chanter. Philippe Lambillon, n'hésitez pas à mettre le casque sur vos oreilles, Philippe, comme ça vous pouvez profiter de la gratte de Philippe Soreille. N'hésitez pas à chanter aussi chez vous, à la maison, au boulot, dans la voiture et place de la Digue ici à Charleroi. On va chanter tous ensemble et désolé pour vos oreilles déjà. Moi, j'étais toute seule au feu de camp, toujours, pour l'éveiller. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, badapadapa. Aux Champs-Élysées, badananana. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voudrez aux Champs-Élysées. Vous faisiez pas ça dans le... Pas mal du tout, hein. Super. Il s'est entraîné, ça se sent. Il s'est pas entraîné du tout, justement. J'ai les bois tout mous parce que je reviens d'une tournée de conférences à Paris où j'ai pas joué une seule note de guitare. Oui. Donc je me rechauffe un peu avec vous, mais on va se chauffer progressivement tout au long de la soirée. Ok, c'est vendu. On chantait aussi autour d'un feu de camp les Poppies. Non, rien n'a changé. Ouais. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé. C'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré. C'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant. C'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en mettant ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, rien n'a changé. Tout a continué. Avec nous et pourtant bien des gens se sont mis à genoux pour prier. Oui, pour prier. Pour prier. Oui, pour prier. Mais j'ai vu tous les jours à la télévision, même le soir de Noël, des fusils, des canons. J'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Qui pourra m'expliquer que entouré de soldats, moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps, oui, tout le temps, tout le temps, oui, tout le temps. l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, si l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, si l'histoire d'un amour que je croyais vivant, si l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne maître ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Changer, c'est Sébastien à Scarbeck, 1030 Bruxelles, 40 euros. Cela fait 45 ans et le rêve ne s'est toujours pas réalisé d'avoir un monde meilleur, évidemment. N'hésitez pas à dédicacer vos chansons aussi, partager la musique que vous aimez via le site vivaforlife.be. On est là jusqu'au bout de la nuit, on a dépoussiéré le chansonnier, on a sorti nos belles chemises, on va chanter et dommage pour vous. On va s'améliorer, on va essayer. Allez, tout de suite. Viva for Life avec nos partenaires. L'agriculture de Wallonie soutient Viva for Life. Ça vient d'ici, ça vient du cœur. Envoyez vos vœux avec l'app Storygram de Proximus et soutenez Viva for Life. En mal d'idées pour les fêtes, offrez du bien-être. Une pause soin ou détente à l'espace 22, voilà un cadeau qui ne s'échange pas. Sauna, hammam, jacuzzi, de nombreux soins en institut ou même chez vous. Espace 22, c'est aussi une parfumerie sur 800 mètres carrés. Découvrez nos chèques cadeaux. Espace 22, c'est tout ce que je veux. Rue de la station à Anse et sur espace22.be. Viva for life, vivacité. Indiana Jones est dans la place. C'est Philippe Lambillon des carnets de Bourlingueur. Ouais, Philippe... Je suis plus jeune. Et tac, prends ça dans les dents, Harrison Ford. J'ai pas de doublure, les animaux sont vrais. Mais ce j'imagine sont pas que les c'est un film téléguidés. Qui vous a passionné, ça, Philippe Lambillon, oui, oui, non, Indiana ça, Jones. Oui, ça m'a sans doute influencé, comme Rambo d'ailleurs. Hein, oui. Ah, vous êtes boxeur aussi c'est fixé. Non, non, c'est le look. C'est le look. Souvent, avec Adrien, on commençait par Adrien. Je vais commencer l'émission par ce cri. Je suis en fait entre Rambo, Tarzan et Harrison Ford. J'ai trouvé mon personnage, en fait. Tarzan, est-ce que vous avez des trucs pour vivre dans la nature? Oui, partout. Partout, mais partout. Je peux vous emmener n'importe où. Et ouais. Deux, on survit avec ce que peut nous offrir la nature. En fait, c'est ça le principe des carnets au départ. Ouais. C'est de se retrouver n'importe où. Et en se servant uniquement de ce qu'on voit autour de soi, c'est boire, manger et vivre. Et c'est encore possible aujourd'hui. Des trucs comme quoi, vous avez quelque chose par rapport à faire pipi, non? Ah oui, ben, en fait, ouais. Les 25 ans des carnets, j'ai dû revoir toutes ces images, il y avait plus de 2000 heures et je me suis rendu compte que dans toutes les émissions, je faisais pipi. Et donc, c'est très drôle parce que, en fait, le meilleur désinfectant qu'on puisse trouver, c'est sa propre urine. Et donc, j'avais appris ça parce que ben oui, ben absolument. Oui, non, mais... Et donc, souvent, en tournage, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je me blessais, je faisais pipi. C'était le tout premier conseil du Bourlingueur. Et là, on a fait une compile, on en a pour des heures uniquement, où je fais pipi au pôle Nord. Je fais pipi dans le désert, je fais pipi dans la cordillère des Andes. Et encore maintenant, il se pisse dessus, mais il ne fait plus exprès. Avec l'âge, c'est dommage, hein, Philippe. C'est différent. Mais au moins, il est désinfecté. Je n'ai plus besoin de me blesser. Je me désinfecte automatiquement. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est tout. Au départ, c'est parti de ça. Et donc, il y a ça. Il y a aussi, j'ai amené pour vous des cailloux, en fait, parce que je sais que vous ne faites que boire, en fait. Oui. Si vous voulez parler plus longtemps sans boire, eh bien, vous mettez deux cailloux dans la bouche, un au-dessus de la langue et en dessous de la langue, et là on va tester ça. Très facile pour faire la radio. Bien sûr. Mais non, mais il faut pouvoir parler avec et ça permet de saliver moins, donc de ce fait vous économisez de l'eau. Ouais. Vous postillonnez des cailloux, quoi. C'est une façon c'est agréable de boire en même temps. Dans le désert, souvent, vous voyez des gens, vous pensez face. Que les gens chics. Non, en fait, ils ont deux pierres plates dans la bouche. Et j'ai retrouvé ça aussi en Nouvelle-Guinée, j'ai trouvé ça en Australie. Et en fait, c'est un truc qui fonctionne et que différentes tribus qui ne se connaissent pas ont trouvé, en fait. Ils ont trouvé ce truc quand il n'y a pas d'eau. Eh bien, on a ces deux cailloux, ces deux pierres plates en bouche. Je reviens deux secondes sur le pipi, Luc Noël. Ça vous est déjà arrivé de faire pipi dans le jardin et loisirs pour soigner quelques plantes? Non. De ce côté-là, c'est pas très utile. Notez que c'est une source d'azote. Alors, je savais qu'on allait partir dessus. Hein. On a encore beaucoup de choses à découvrir dans ce domaine. Nous avons visité un jardin en Angleterre où on applique toute une série de méthodes de culture biologique. Et donc, effectivement, dans l'urine, il y a de l'azote qui permet de faire pousser les plantes. L'azote, c'est l'élément N, donc qui favorise la croissance du végétal. Donc, sur les gazons, pour avoir de l'herbe qui est drue, qui est dynamique, eh bien, on met de l'azote. Et donc, dans les toilettes de ce jardin écologique, il y avait les urinoirs classiques, côté homme, et puis il y avait un immense entonnoir. Oui. Et il y avait une pancarte qui disait « Please contribute ». Donc, voilà, s'il vous plaît, contribuez. Ah, non, versez votre bol. Mais en Chine, c'est dans les écoles, c'est pareil. Hein. Il y a des cuvettes qui sont conçues spécialement pour l'urine, et il y a des gens qui viennent récolter et qui vont verser ça sur des pommiers. Si on parle de pipi, c'est quand même un domaine que je connais. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en Chine, en fait, il y a plus de 7 millions de gens qui boivent leur urine tous les matins. Première urine, bah absolument. Et en fait, ça serait une des causes de la longévité dans certaines ethnies. Donc voilà. Philippe Sareille, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui, mais je ne bois pas la sienne. Hein, je veux moi dire de sa propre. Hein. Moi, j'ai vécu des expériences de pipi en Antarctique. Ce qui est assez particulier parce qu'on pisse des glaçons en fait. Non, ça fait mal. Ça fait un petit peu mal. On reste collé au sol parce que ça gèle directement et donc le problème c'est de casser le jet. C'est vrai qu'il ne faut pas rester trop longtemps. En revanche, comme on doit tout ramener sur le continent, on doit pisser, si je puis dire, dans des fûts qui en fait seront ensuite tractés. Et puis on sert une chope. Par nous-mêmes, sur des poulkas et ramenés au camp de base, qui est ramené en avion, etc. Alors ça, c'est pour le pipi. Pour le reste, je vous laisse deviner. On démarre bien, je trouve, cette soirée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, mais c'est vous qui nous avez lancé. Hein. C'est vrai, mais parce que quand qui dit scout, dit feuillet aussi, dans les camps scouts, etc. On devait creuser ses trous et on essayait de faire la feuillet loin. Ça sent le vécu, si mais après deux semaines, c'était aïe aïe aïe quand même. Malgré qu'elle soit loin, ben, ça sentait toujours. N'hésitez pas à raconter vos souvenirs, vos anecdotes aussi, si vous partagez la musique que vous aimez en dédicace. C'est sympa. On va passer une bonne soirée tous ensemble, une bonne soirée feu de camp avec Hugo Frey aussi. Ah, évidemment. Vous avez reconnu ? Allez, c'est Santiano, ambiance, évidemment, feu de camp. Ouais. N'hésitez pas à chanter, vous, à la maison, dans la voiture, au bureau. Allez, c'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau. Et c'est oh, Santiano. 18 400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot. Tiens bon. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Je pars pour de longs mois en laissant Margot. Iseo, Santiano. Y penser, j'avais le cœur gros en doublant les feux de Saint-Malo. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Iseo, Santiano. Tant que là-bas l'argent coule à flot, Iseo, Santiano. On trouve l'or au fond des ruisseaux. J'en ramènerai plusieurs lingots. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Iseo, Santiano. Si Dieu veut toujours droit. Je reviendrai chargé de cadeaux, Iseo, Santiano. Au pays, j'irai voir Marco. À son doigt, je passerai l'anneau. Tiens bon le cap et tiens bon le flot, Iseo, Santiano. Sur la mer qui fait le gros dos, nous irons jusqu'à San Francisco. Je peux vous dire que ça danse ici, place de la Digue. Super, on a pas mal de scouts, de guides, mais tous les autres aussi, ils ont dansé. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, ces soirées feu de camp, jusqu'au bout de la nuit avec Cyril qui va prendre le relais à partir de 2h du matin. On marque une pause, Jacques Brel et puis Adrien Jovenot est là, Luc Noël, on a Philippe Soreille, on a Philippe Lambillon. On va passer une bonne soirée tous ensemble. Viva! Viva Cette semaine, Flair soutient Viva for Life et donne la parole à de jeunes mamans célibataires. La précarité, elles connaissent et la défient chaque jour. Flair, il faut le flair. Vivacité présente Viva for Life volume 3, la double compilation avec toute la musique de Vivacité. Louane, Florent Pagny, Osier, Ed Sheeran, Grégory Lemarchal, Cœur de Pirate, Daniel Balavoine, Omi. Viva for Life volume 3, 40 titres. La compilation qui a du cœur au profit de Viva for Life, en vente partout et sur la boutique RTBF. C'est l'histoire d'une voix qui, dès les premières notes, charme tous ceux qui l'entendent. Petit à petit, elle grandit car elle reçoit de plus en plus de pouvoir. The Voice Belgique, l'incroyable pouvoir d'une voix. Dès le mardi 5 janvier sur la Une. J'attends le printemps. Vous aimez ce titre? Vous pouvez vous l'offrir. Surfez sur vivaforlife.be. Adrien Jauneau, vous avez organisé quelque chose aussi pour Viva for Life. C'était la soirée d'hier. Ah oui, je ne sais pas pourquoi vous me mettez Ennio Morricone, là, ça va être suite ambiance un petit peu western. C'est qui la brute dans le studio? La brute, c'est lui. Le bon, il y a un bon, il y a un truand, hein, je vous laisse voir. Où est le truand? Oui, Luc Noël, il ne parle pas beaucoup. Je suis la brute et le truand en même temps. Vous avez organisé une soirée, oui, Adrien. Oui, oui. En fait, une soirée qui s'est terminée tard, on appelle ça un brunch. Hein, oui. Ça, quand vous faites des soirées, c'est vrai qu'il se termine aux petites heures, on enchaîne avec la soupe à l'oignon, vous le savez. Et puis le brunch, on a fait un brunch dans la nuit de samedi à dimanche, entre 6h et 11h du matin sur la Grand Place de Bruxelles, dans la salle de l'Hôtel de Ville, un endroit prestigieux. C'était vraiment magnifique, avec des gens qui viennent du monde entier. C'était animé par Grand Georges, hein, ouais. La chanson So Fine qu'on a beaucoup entendue cet été. Il est passé dans le studio de Verre, d'ailleurs il a signé le grand C, oui. De Charleroi qui sera mis aux enchères. Il le même soir que Patrick Bruel, j'ai vu ça, c'était très très sympa comme soirée. Et puis il est venu avec nous pour ce petit déjeuner à la sortie d'un mariage. Il avait un mariage et juste après il est venu animer le brunch. Il y avait des invités belges du bout du monde qui ont participé à cette animation. Et ensemble, grâce aux cuisines bruxelloises qui ont offert les sandwichs et le catering, on est très contents, très heureux de ramener un petit chèque quand même, parce que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc moi, je... Combien? Ah bah écoutez, 1044. 1044. Petit. Voilà. Je trouve ça très bien déjà. Attendez, pour des brunchs. Au petit matin, 1044, c'est pas mal. Hein. Ça le fait. Franchement, je suis fier de nos auditeurs qui ont été super généreux. Et c'est une émission de la première, hein, qu'on a fait en direct. Comme quoi, c'est ça que j'aime bien dans cette opération Viva for Life, c'est que ça catalyse tout le monde autour du même projet. Ouais. On n'est plus chacun dans sa petite case. Voilà, on n'est plus chacun dans sa petite radio. Mais voilà, Pure FM, Classique 21, Vivacité, La Première, Musique 3, tout le monde y va. Les radios, la télé, le web ici. Ça, c'est beau. Il y a le studio de Verre. Alors on est trois à l'intérieur, enfin cinq avec Cubi, avec notre autre nounou. Mais ils sont 130. 150 derrière, et donc bravo les gars, vous faites un super travail. Ouais, franchement, ouais, chapeau. C'est vraiment, parce que chapeau. Tout le monde a les horaires un peu chamboulés, etc., et chacun il donne du sien, félicitations, beau. Et c'est vrai que c'est un peu team building. Ouais. Et bravo aussi à tous ceux qui organisent des choses dans leur quartier, dans leur village, dans leurs écoles, etc. Franchement, c'est juste impressionnant de voir tout ce qui se fait pour nos enfants qui en ont tellement besoin. Félicitations. Il y a le grand Jacques qui s'invite dans le studio de Verre, c'est un don de 800 euros, proposé à Marc de Hauton. Le rêve est indispensable à la vie. Il nous pousse en avant et nous incite à croire en ce qui nous paraît impossible. Notre rêve collectif d'un monde meilleur commence par notre entourage proche, par l'indispensable aide à ceux qui demain en seront les enfants, les adultes, etc. Merci beaucoup Marc, et justement faites comme lui, allez sur viaforlife.be, dédiez une chanson à quelqu'un, quelque chose, et laissez-nous un message. 800 euros pour Jacques Brel. Vous avez deviné la chanson ou pas avec le message de Marc? Je dirais La Quête. Ouais. Voilà. Ah, La Quête, et le grand Jacques. Et ouais, c'est beau. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part. aimer jusqu'à la déchirure. Aimer même trop, même mal. Tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance. Et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille. Et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé. Brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler. L'inaccessible étoile. Jacques Brel, La Quête. Viva for life, viva for life. La musique a du cœur. Partageons-la. Nous avons trois charmantes demoiselles à la boîte aux lettres, ici place de la Digue à Charleroi. Salut les filles, comment ça va? Bonjour. Ouais, vous allez bien? Vous avez des beaux foulards, dites-moi. Oui. Vous aviez un message à nous faire passer, attention. Donc, on voulait dire qu'il n'y avait pas que les scouts qui existaient. Et que... Ah, c'est la vérité. Et le patron s'occupe beaucoup des enfants défavorisés. Oui. Et d'ailleurs, en été 2016, nous allons partir en Hongrie, normalement, pour faire un projet humanitaire, pour aider des enfants dans le besoin. Bravo, c'est super ça les filles. Quelle est votre compagnie? Le patron de Renfer Sébolet. D'accord. Et le patron, la différence, c'est que tout le monde porte le même foulard, la même couleur, non? Et que c'est mixte aussi, non? Oui. Bah, ça dépend les patrons. Nous, le patron d'Enfer Sébolet n'est pas mixte, donc il n'y a que des filles. Que des filles, mais ça doit bien s'amuser. Oui. Bien papoter aussi. Bravo les filles, et merci. C'est vrai que la précision est importante. On pense à tous les mouvements de jeunesse, évidemment, pas trop scout et guide, bien sûr. Luc Noël, vous êtes amoureux des jardins, ça on le sait. Vous n'avez pas du tout participé à un mouvement de jeunesse. D'où c'est venu alors cette passion pour la nature? Si, j'ai participé à un mouvement de jeunesse intensivement. J'y ai passé toute mon adolescence. Ce mouvement s'appelle Jeunes et Nature. Oui. Alors c'est très peu connu. C'est le mouvement qui rassemble tous les fous d'oiseaux, de plantes, de mousses. Vous avez rencontré Mésange, alias Philippe Sauret. On aurait pu. On aurait dû. C'est pas un club de naturistes, non? Alors, non, c'est parce que ça ne m'étonnerait pas en fait. Naturaliste, il y a une grande différence. Alors voilà, Jeunes et Nature, c'est vraiment un grand rassemblement de jeunes qui sont éblouis par la nature, qui ont vraiment eu ce coup de foudre pour les oiseaux, pour toute cette vie qui nous entoure, cette richesse biologique extraordinaire. Et donc, il y a des activités qui se déroulent de semaine en semaine, mais il y a aussi des grands camps durant l'été, avec des camps d'initiation pour les plus jeunes, et puis des camps un peu plus spécialisés pour ceux qui ont déjà passé quelques années au sein du mouvement. Et donc, voilà, on part à l'aventure, à la recherche des plantes rares, on épie les oiseaux, on se lève très très tôt à l'aube pour faire des affûts aux mammifères. Et c'était un peu sympa à vivre, parce que ça a l'air très rythmé. On est vraiment dans la passion, c'est-à-dire que ben voilà, très tôt le matin, il y en a qui sont déjà partis observer les chevreuils ou les sangliers, et puis encore tard le soir, il y en a qui sont toujours en train de feuilleter les flores pour identifier les plantes. Et donc, évidemment, tout cela m'a mené à faire des études de biologie et à me passionner pour la nature et en faire mon métier, parce que voilà, la nature, je la communique dans mes émissions, et donc après avoir parlé beaucoup de la nature, notamment chez Adrien, on a travaillé ensemble en radio. Il y a 25-30 ans. Et puis la petite graine a bien germé. Hein. Ouais. C'est beau de voir comment les passions naissent. Et je crois que l'enfance, et là on revient sur Viva for Life, c'est tout se joue avant 6 ans. C'est à ce moment-là qu'il faut prendre soin de nos enfants, qu'il faut leur donner toutes les chances. On les ouvre au monde aussi. Regardez Luc, à 6 ans, il observait les mésanges. Et puis aujourd'hui, il présente, il sensibilise les nouvelles générations. Il vide sa passion, il vide son métier. Et je suis sûr qu'il n'a jamais l'impression de travailler alors qu'il bosse 24 heures sur 24. Ah oui, ça reste une immense passion parce que ce qui est extraordinaire avec la nature, c'est qu'elle est tellement vaste qu'on n'a jamais fini de l'explorer. Alors Philippe sera d'accord, évidemment. Oui, mais moi, je recherche plus ces endroits où il n'y a personne, en fait. C'est vrai que la nature mais dis-donc, me fascine. C'est mon vraiment côté ermite. Un solitaire, oui, un ermite carrément. Mais en fait, pour le moment, depuis un an et demi, je ne vais que dans des endroits où franchement, on peut se retrouver en situation de survie. Donc, que ce soit la cordillère des Andes à plus de 5000 mètres, que ce soit le désert namibien, le désert australien, c'est un besoin. C'est mon côté Foucault, pas Jean-Pierre, l'autre. Hein. C'est ermite. Écoutez, appelez-le Père Foucault, Charles. J'ai besoin de ça pour à chaque fois me réacclimater, je veux dire, à ce qu'on vit ici. Et c'est vrai que c'est un besoin de partir 3 ou 4, voire 5 mois par an. J'ai besoin de ça, réellement. C'est ce qui fait la qualité, évidemment, des carnets du Bourlingueur, parce que c'est vous qui l'incarnez. C'est une soirée feu de camp, scout, guide, patro. Vous avez certainement chanté ça si vous avez participé à des mouvements jeunesse. Peut-être vous chantiez, tiens, dans votre jeunesse. Oui, oui, bien sûr, il y avait des feux de camp. Et donc, Santiago, je connais. Là où sont la montagne, Santiano, je connais. Santiano, voilà. Donc, comptez sur moi pour chanter. Peut-être pas très juste ce soir, mais voilà, avec plaisir. Les petits bons chocolats. Il boit du vin bio, donc c'est vrai que ça agit beaucoup plus vite. Joe Dassin sur Vivacité. N'hésitez pas à nous suivre en streaming aussi sur vivaforlife.be. Les petits pains au chocolat. Je les connais. Ça donne faim, tout ça. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. La boulangère lui souriait, mais il ne la voyait pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Et pourtant, elle était belle. Qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Il était mieux que voilà tout, mais elle ne le voyait pas. Aïe, aïe, aïe, aïe. Il vivait dans un monde flou où les nuages volaient bas. Aïe, aïe, aïe, aïe. Voyez pas qu'elle était belle, ne savait pas qu'elle était celle que le destin lui envoyait à l'aveuglette pour faire son bonheur. Et la fille qui n'était pas bête acheta des lunettes son cœur. Dans la boulangerie, en fait, des baguettes et des babayes. Aïe, aïe, aïe, aïe. Dans la boulangerie, en fait, un soir, on les marie. Aïe, aïe, aïe, aïe. Comme papa gambadant parmi les brioches et se remplissant les poches de petits pains au chocolat. La la la la la la la la la la la. C'est qu'il se Philippe Lambillon. Oui, bien attendez. Sûr. Pas de mouvement de jeunesse, vous vivez en ermite, mais vous connaissez toutes les chansons par cœur. Non, mais avec Adrien, quand on avait nos émissions ensemble, je chantais dans chaque émission, Adrien. Absolument. Et j'imitais aussi, j'imitais. Oui. J'avais très peur parce qu'il réinventait les paroles sur les chansons, jusqu'au jour où le directeur de l'époque m'a téléphoné en pleine. Il m'a dit, tu l'arrêtes, tu le bâillonnes. J'ai été renvoyé plusieurs fois, c'est vrai, grâce à Adrien, je revenais, mais au début, ça a été assez dur. On peut avoir une petite imitation alors, Philippe. Il fait très bien Julio Iglesias. C'est vrai. Allez. Ah oui. Allez. Je n'ai pas changé, toi toujours ce sourire un peu fou. Et tu me parlais d'amour. Oui, ça je fais, oui. Ouais. Il fait très bien Dave, mais il faut être plus tard oui, dans la soirée. Oui, c'est ça. Oh, allez. Il est déjà assez tard. Il est bientôt 23h. Quand j'étais petit à l'école, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Ah, oui, on a fait ça. Oui, alors, oui, il avait aussi fait une parodie de Sandra Kim, J'aime l'Afrique. Vous aviez fait. Oui, ça c'est vrai. C'était une mission. Oh, oui, mais ça c'est très drôle. C'est J'aime l'Afrique. Et alors, l'Afrique, c'est vrai, oui, c'est... toute l'Afrique. Non. C'était une chanson sur Nelson Mandela et c'est vrai que quand Sandra Kim l'a entendue, parce que je l'ai fait écouter, elle était morte de rire. Mais il faut dire que en fait, j'avais la musique et pendant l'émission, je composais les paroles et à la fin, j'interprétais la chanson en général devant soit l'interprète ou devant des personnes. Je me souviens d'un numéro, c'était à Liège et là, j'avais fait une chanson en imitant Tino Rossi sur les Corses. Mais pas devant Tino Rossi. Hein. Pas devant Tino Rossi. C'est mieux. On a fait aussi une chanson avec Jean-Claude Van Damme à l'époque qui n'a pas du tout apprécié les paroles. Ouais. Et donc c'est très drôle parce que quand on se retrouve face à quelqu'un qu'on l'imite, je ne suis pas un imitateur, mais et en plus qu'on change les paroles et qu'on ne le met pas nécessairement en valeur, les gens sont toujours surpris. C'est sympa, c'est ça aussi Viva for Life. On voit d'autres facettes hein, de vous, messieurs, Philippe Lambillon, Philippe Soreille, ouais, Luc Noël. Chocolat, je chantais ça quand j'étais gamin. Restez Philippe là, on marque une pause. Et puis il y aura aussi Michel Fugain, les Acadiens. C'est bien ça. Viva for Life, jusqu'au 23 décembre, c'est aussi en télé. Retrouvez Sarah de Padua, Sébastien Delvaux et Cyril de minuit à 11h sur la Une et de 11h à 18h sur Télécembre. Et chaque soir, les meilleurs moments de la journée à 18h30 sur la Une et 22h30 sur Télécembre. Viva for Life, en direct de la place de la Digue à Charleroi sur Vivacité, la Une, Télécembre et vivaforlife.be. Les piscines Leisure Pools, groupe Servimat, vous souhaite un joyeux Noël ainsi qu'une bonne année 2016 et vous remercie de votre confiance. Hello, c'est Caro, Eldor et Gilet de la TVF Mobile Info. Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année. Et dans un coin du Canada, des tas de gars, des tas de femmes qui chantent dans la même langue que toi. Mais quand ils jouent de la musique, c'est celle de Rufus Thibaudot. Ils rêvent encore de l'Amérique qu'avait rêvé leur grand-papa, qui pensait peu, qui pensait pas. Ah! Nous, les Acadiens, toutes les Acadiennes, vont sauter, vont danser sur le violon. Ils sont américains et elles sont américaines. La faute à qui donc? La faute à Napoléon. Le coton c'est doux, c'est blanc, c'est chouette. Faut se mettre de la crème sur les joues. Mais ceux qui en font la cueillette finissent la journée sur les genoux. Alors le soir ils font de la musique comme celle de Rufus Thibaudot. Pour oublier que l'Amérique c'est plus celle de leur grand-papa. Ça a bien changé depuis ce temps-là. Les Acadiens, toutes les Acadiennes vont sauter, vont danser sur le violon. Ils sont américains et elles sont américaines. La faute à qui donc? La faute à Napoléon. Ils ont bossé 6 jours de fil pour une poignée de dollars dévalués. Ils montent dans la vieille Oldsmobile et foncent à la ville d'à côté pour écouter de la musique, celle du grand Rufus Thibaudot. Et pour peupler l'Amérique à la manière de grand-papa, y a plus que ça qui ne change pas. Les Acadiens, toutes les Acadiennes, vont sauter, vont danser sous les violons. Ils sont américains, elles sont américaines. La faute à qui donc? La faute à Napoléon. C'est Bernadette, Aspa, 20€ pour Via for Life. Bon rythme pour vous aider à tenir le coup. C'est bien ça, c'est réussi. Merci Bernadette, continuez. N'hésitez pas, on est dans une soirée feu de camp. VivaForLife.be, dédicacée la musique que vous aimez. Oh, une averse de petit prix. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Bonne soirée à tous. On reparle bruine et vent pour ce soir et cette nuit. Prudence. Les nuages bas pourraient jouer un petit peu les troubles faits sur les hauteurs de l'Ardenne. On retrouvera un ciel couvert demain matin. Les minima seront doux, 7 à 11 degrés. Puis demain, de la bruine en matinée, un temps plus sec l'après-midi, mais toujours ces rafales de vent possibles, malgré des températures qui sont douces pour la saison, 9 à 13 degrés, mais on n'en profitera pas vraiment. La suite de la semaine sera un petit peu de la même veine, avec la persistance d'un temps doux, la persistance aussi des passages pluvieux qui se succéderont sur nos régions, entrecoupés de petits moments d'accalmie et d'éclaircie. Vous savez quoi, Denis ? Quoi qu'il se passe côté météo, nous on est dehors, on est autour d'un feu, on s'imagine autour d'un feu de camp. C'est une soirée spéciale sur vivaforlife.be et sur Vivacité, avec le chansonnier évidemment. On va ressortir toutes les bonnes chansons pour nous faire chanter et pour passer un bon moment. À tout de suite après les infos. For Life, la musique a du cœur. Partageons-la. Bonjour, ce mardi 22 décembre, je vous donne rendez-vous à Charleroi pour Viva For Life. La musique a du cœur, alors partageons-la ensemble. Mardi 22, 10-18h à Charleroi. Comme Loïc notait, soutenez Viva For Life. Faites un don sur le compte 8x0 37 37. Retrouvez toutes les infos sur vivaforlife.be. Il est 23h. La grève n'est pas écartée sur le rail pour le mois prochain. Les syndicats maintiennent la pression sur la direction de la SNCB. Ils réclament l'entrée en fonction d'un démineur pour clarifier la situation d'ici au 31 décembre. Les cinq hommes interpellés hier et ce matin à Laeken et Bruxelles ont été relâchés en fin d'après-midi. L'enquête sur les attentats de Paris s'oriente vers les conversations téléphoniques de ceux qui ont commis ou aidé à préparer les attaques. La boulangerie Le Bon Grain à Morlanway est sauvée, mais seul un quart des emplois vont être maintenu au sein de l'entreprise. Plus de détails dans ce journal. Un Noël solidaire pour 800 Namurois précarisés. Ce soir, ils ont pu manger comme au restaurant. Des chefs-coqs renommés ont préparé le repas. Les Belges quittent le Burundi en proie à des violences de plus en plus importantes. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui sont de retour à Bruxelles et qui abandonnent parfois tout sur place. David Riffon, bonsoir à tous. Les syndicats du rail mettent la pression sur le gouvernement fédéral et la SNCB. Ils maintiennent leur préavis de grève pour le mois prochain. Les trains risquent fort de ne pas circuler les 6, 7, 21, 22 et 23 janvier. CGSP Cheminot et CSC Transcom se sont réunis cet après-midi. Les syndicats souhaitent qu'un démineur soit désigné pour clarifier la situation d'ici au 31 décembre et examiner les pistes possibles pour sortir de l'impasse. Augmentation des heures de travail du personnel, plan d'économie à la SNCB, ils ont répété leurs inquiétudes. Je vous propose d'écouter dans l'ordre Michel Abdissi, président de la CGSP Cheminot, et Marianne Lerouge, responsable générale CSC Transcom pour le secteur du rail. Nous espérons d'ici le 31 décembre avoir des contacts avec cette personne qui sera baptisée pour, pendant une période de, le démineur de service. Et donc après, nous verrons bien comment nous pourrons réagir par rapport aux différents dossiers qui sont pour le moment sur la table de négociation. Nous avons malheureusement dû constater à la commission paritaire nationale que le dialogue social, et donc cette commission c'était vraiment symptomatique, le dialogue social est bloqué au sein de l'entreprise. Nous espérons en sortir et pouvoir trouver des solutions et pour les cheminots et pour les voyageurs par rapport à tout ce plan drastique d'économie qui nous est imposé. Michel Abdissi de la CGSP Cheminot, Marianne Lerouge de la CSC Transcom, propos recueillis par Laurent Henrard. Le dialogue social est bloqué à la SNCB, sortie de crise par contre dans les prisons. Une réunion s'est tenue au SPF Justice entre Koungens et les représentants des syndicats du personnel pénitentiaire. Un protocole d'accord a été signé. Les syndicats ont reçu des assurances dans divers domaines qui les inquiétaient. C'est le cas des primes, des pensions, des congés préalables à la pension ou encore du budget habillement qui va être revu à la hausse. Le ministre a également promis de prochains engagements de personnel. En principe, à 6h demain matin, le travail devrait reprendre dans toutes les prisons du pays et les menaces de grève sont écartées pour les fêtes de fin d'année. L'enquête sur les attentats de Paris. Les cinq personnes interpellées chez nous ces dernières heures ont été relâchées en fin d'après-midi après leur audition. Deux individus ont été interpellés à Laeken ce matin, trois autres hier soir à Bruxelles. Patrick Michel, l'enquête se précise, elle s'oriente vers les conversations téléphoniques entre les protagonistes qui ont préparé et mené les attaques du 13 novembre. Depuis plusieurs semaines, les enquêteurs travaillent à faire parler les puces électroniques, celles des cartes bancaires, celles des téléphones portables. Et en croisant toutes ces données, des connexions vérifiables apparaissent. Et aujourd'hui, elles permettent des mises en relation entre personnes en Belgique et en France, le soir des attentats, mais aussi les jours précédents. L'élément neuf, les enquêteurs savent désormais qu'un homme, par exemple, a quitté Bruxelles le soir des attentats. C'était peu avant 18h, direction Paris. Il a été appelé peu avant d'un téléphone localisé dans la capitale française. Un signal, sans doute. Le téléphone de cet homme sera localisé ensuite après 21h près du lieu des attentats, dans le 11e arrondissement. Puis encore, il lancera un appel en direction du 18e arrondissement, là où s'est retrouvé un moment Salah Abdeslam. Alors les enquêteurs vont retrouver la trace de ce téléphone deux jours plus tard, mais cette fois à nouveau en Belgique. Mais l'enquête de téléphonie va plus loin. Elle a recomposé désormais la toile de tous les appels vers les numéros suspects, durant la soirée, mais aussi les jours qui précèdent. Les liens se précisent donc entre tous les suspects. Et c'est à la suite de cela que les perquisitions des enquêteurs se succèdent pour engranger de nouveaux résultats. Le Bon Grain, à Morlanway, dans le Hainaut, le site de la boulangerie industrielle Le Bon Grain est sauvé. Un accord a été trouvé avec le groupe La Lorraine, le numéro 1 du marché belge du pain à destination de la grande distribution. La reprise se confirme, mais elle est limitée au niveau du personnel. Seuls 65 travailleurs sur 280 seront repris, soit 58 ouvriers et 7 employés. Écoutez Philippe Bertleff, secrétaire général régional 7K. Bien sûr que nous allons laisser certaines personnes sur le carreau. Mais il est clair qu'à partir du moment où il y a des perspectives d'avenir, qu'on a affaire à un industriel qui nous présente et qui garantit un chiffre d'affaires très rapidement au niveau du site de Morlanway, et qu'il garantit des perspectives d'avenir en termes d'investissement au niveau du pain rond et carré, effectivement, on peut relativement faire confiance à ce candidat. C'était ça ou rien ? À partir du moment où on travaille les produits frais comme le pain notamment et la pâtisserie, il est clair qu'on doit retrouver nécessairement une solution très rapidement. Donc aujourd'hui, c'était ça ou rien du tout. Interview signée Thomas Rorive. Le feu vert pour le travail de nuit dans le secteur du commerce électronique, l'e-commerce. Un accord cadre sectoriel a été conclu ce lundi par les partenaires sociaux. Le ministre de l'Emploi, Chris Peeters, est convaincu que l'autorisation du travail de nuit créera de nouveaux emplois dans le secteur. Plus de détails avec Fabien Van Eekhout. Les négociations ont chopé pratiquement depuis le début de l'année, même si le ministre de l'Emploi et vice-premier CDNV Chris Peeters ne cessait d'annoncer un accord et un projet de loi. L'idée figurait même dans l'ajustement budgétaire de mars du gouvernement fédéral. Côté patronal, Comeos, la Fédération du commerce et des services, ne cessait de répéter que l'interdiction chez nous du travail de nuit dans le e-commerce, le commerce Internet, affaiblissait la position concurrentielle de nos entreprises et provoquait, je cite, une hémorragie d'emplois vers l'étranger. Les syndicats, eux, se disaient prêts au dialogue, mais réclamait un strict encadrement de ce travail de nuit pour éviter les dérives. L'accord du jour renvoie désormais à d'inévitables négociations dans le secteur du e-commerce par entreprise pour y lister les besoins, les tâches à accomplir de nuit, les horaires, les primes et autres compensations, avec des recrutements prévus supplémentaires et sur base volontaire, le tout avec une évaluation tous les 3 mois des partenaires sociaux, histoire de voir si chacun s'y retrouve bien. Objectif compris dans l'accord, créer le plus d'emplois possible. Côté patronal, on promettait ainsi 5000 emplois en 3 ans. Tout autre chose à présent, tourteau avec bisque de crustacés et croustillants, volaille, coq des prés façon pot-au-feu. C'était là une partie du menu servi ce soir à Namur Expo pour la fête de Noël solidaire. 800 personnes qui vivent dans la difficulté, dans la précarité, ont été les invités d'honneur de cette soirée, avec comme toujours les chefs coqs qui ont mis les petits plats dans les grands. Reportage Monica Wachter. Coiffure et maquillage, pour Angélique, la fête commence déjà l'après-midi. Ça faisait longtemps que j'ai plus ça, mais franchement, je recommencerai encore. Chaque moment inoubliable, en fait. Laetitia Di Giorgio, éducatrice au centre de formation IFAPME. On fait des soins esthétiques, manucure, pose de vernis, brushing, on fait des boucles, on met des paillettes. On maquille, maquillage de fête, chignon, etc. Donc voilà. Qu'est-ce que vous faites, monsieur de Gindre ? Des quenelles de pommes de terre. Qu'est-ce que vous ajoutez ? Une mayonnaise de salicorne. Des poireaux frits. Une garniture de champignons. La sauce, donc c'est un velouté à base de fond de volaille et de champignons. Sang Hong de Gimbre, chef coq doublement étoilé et membre de Génération W qui défend le patrimoine culinaire wallou. On fait un métier mais qui n'est pas accessible toujours à tous en termes de restaurant. Moi je trouve que c'est une chouette cause pour le faire, pour des gens qui ont moins les moyens. En même temps, on se réunit tous entre chefs. Il y a ce côté un peu fraternel qui est vraiment chouette à avoir en fin d'année. C'est un chouette moment. Chaud. Pour Angélique, c'est le bonheur. C'est une toute première pour moi depuis mon enfance, pour dire. J'ai jamais vécu ça, en fait. Jamais. Ça fait énormément plaisir. Franchement, c'est génial. Reportage de Monica Wachter à Namur. L'actualité internationale, l'Union africaine a décidé d'envoyer 5000 hommes au Burundi pour tenter d'enrayer la spirale de violence. Mais Bujumbura considère que cette mission serait une force d'occupation. Le Congrès, réuni aujourd'hui, a dénoncé ce qu'il considère comme une ingérence. De leur côté, les Belges profitent des congés de Noël pour quitter le pays. Certains espèrent y retourner. Ils ont tout laissé là-bas, leur entreprise, leurs amis, leur maison. D'autres, sans véritablement d'attache, partent sans se retourner. Françoise Olmac a rencontré quelques-uns de ces Belges et Burundais aussi à leur arrivée ce matin à l'aéroport. Laetitia est venue chercher sa maman. Elle était au Rwanda en 1994 lors du génocide. Elle a vécu l'évacuation des Belges avec ses parents. Elle hésite à comparer les deux situations. Que ça dérape comme au Rwanda, peut-être pas jusqu'à ce point-là, mais ça fait peur, quoi. On a vraiment l'impression qu'ils ne pensent qu'à ça, qu'à mettre le chaos dans le pays et que plus rien n'avance, quoi. Parce que plus rien n'avance, tout est bloqué. Mes parents ont tout perdu, ça a été difficile de reconstruire, mais voilà. Ils sont partis au Burundi juste après le Rwanda et ils y sont restés. Est-ce qu'il y a un climat anti-belge ? Anti-belge, je pense pas. Oui, il y a eu quelques cris d'alerte, soi-disant la Belgique armée, l'opposition, mais ça a été lancé comme ça et puis maintenant ça s'est calmé. Je pense vraiment pas qu'il y aura de problème. Venant refuse de parler devant une caméra, il parle d'un régime de terreur, d'un régime de tueurs. C'est des vrais tueurs, c'est une machine à tuer qu'ils ont enclenchée. Ils tuent tout ce qui est contre lui, quoi. Ils surveillent tout dans les quartiers contestataires. Les chefs de quartier, c'est eux qui dénoncent la population. Tous les chefs de quartier appartiennent au parti du pouvoir. C'est une vraie mafia, quoi. Certains expliquent que la minorité Tutsi est particulièrement ciblée et que les Tutsis sont empêchés de quitter le pays. Ce Burundais arrive avec toute sa famille. Il redoute des affrontements entre la force qui sera envoyée par l'Union africaine et l'armée burundaise. Peut-être que le régime ne va pas accepter. Vous craignez que le régime s'oppose à l'arrivée de l'Union africaine et qu'il y ait même des combats entre eux ? C'est possible, ça ? C'est possible, c'est possible. Un reportage de Françoise Walmack. J'ajoute que tous les prénoms ont été modifiés dans ce reportage pour des raisons de sécurité. De nouveaux heurts entre l'armée turque et les rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, des violences qui ont fait plusieurs morts dans le sud-est de la Turquie où les forces de sécurité mènent depuis une semaine leur plus grande opération de ces dernières années. Des fusillades nourries accompagnées d'explosions nombreuses ont été entendues dans plusieurs villes. Dans son dernier bilan dévoilé, l'état-major turc fait état de plus de 100 rebelles tués dans la province de Diyarbakir. Et puis un mot de football avant de se quitter. L'avenir s'assombrit de plus en plus pour Blatter et Platini. Sepp Blatter et Michel Platini vont se battre et faire appel de leur suspension de 8 ans de toute activité liée au football. Une sanction tombée ce matin est donnée par le comité d'éthique de la FIFA pour conflit d'intérêts et gestion déloyale. En cause, ce versement en 2011 d'€1,8 million à Platini de la part de la FIFA pour une mission effectuée 10 ans plus tôt. Le président sortant de la Fédération internationale de football et son possible successeur sont-ils grillés ? L'avenir le dira, mais il s'assombrit très fort pour les deux hommes. Sepp Blatter annonce qu'il va saisir le tribunal arbitral du sport. Platini évoque, lui, une mascarade, une mise en scène. On veut m'éliminer du monde du foot. Fin de citation. 23h12, c'est également la fin de ce journal. Très belle fin de soirée à notre écoute. Life. Avec Sarah Depadua. Bonsoir tout le monde, avant-dernière soirée dans le Cube, ici Place de la Digue à Charleroi, il y a encore pas mal d'ambiance, malgré la pluie, malgré le vent, malgré le froid, vous êtes là au rendez-vous et ça nous fait chaud au cœur. Bon à savoir, il y a Eric Boschmann qui est là, monsieur Eric Boschmann, qui est grand amateur de vin et qui fait déguster ses meilleurs vins. Et donc n'hésitez pas, il y a encore de l'ambiance d'ailleurs, la preuve sur vivaforlife.be avec pas mal d'animations prévues parce que ce soir, c'est une soirée feu de camp, on a sorti la guitare, nos invités sont là, il y a Luc Noël, il y a Adrien Jovenel, Renault, il y a Philippe Soreille, il y a Philippe Lambillon aussi, des carnets de bourlingueurs, avec un seul objectif évidemment, c'est Viva for Life sur Vivacité jour et nuit. Pour faire exploser le compteur mercredi soir, il faut faire plus que l'année dernière, 2 103 000 pour venir en aide à toutes ces associations qui sont sur le terrain et qui œuvrent pour les enfants défavorisés, même dans la pauvreté. Ils ont entre 0 et 6 ans, ils sont 80 000, c'est beaucoup trop. C'est un enfant sur 4 qui vit chez nous dans la pauvreté. Ça vous touche, hein, j'imagine, quand on entend ce chiffre, c'est juste incroyable. C'est 1 sur 4. Toutes les régions sont concernées, évidemment. Bruxelles, la Wallonie, le Brabant Wallon aussi, Liège, le Hainaut, etc., le Namurois. C'est vrai que chez nous aussi, ça existe. Et ce que j'ai envie de dire, moi, aux personnes qui nous écoutent et qui sont là sur la place, c'est que ça fait tellement du bien de faire du bien. On se sent tellement bien quand on a fait sa BA, parce qu'on est dans une soirée scout, donc il faut utiliser ce jargon un petit peu feu de camp. Si vous faites du bien, ça vous revient. Donc, et puis vous vous sentirez tellement bien après, tellement plus léger. Ah, chouette, j'ai fait quelque chose de bien de ma journée. Et puis hop, là, ça rejaillit. Moi, je crois toujours, là, on parlait d'Australie avec Philippe Lambillon tout à l'heure, je crois à l'effet boomerang. Vous faites du bien, ça vous revient. Vous avez déjà fait du boomerang, Luc Noël? Ah non, je compte sur Philippe Lambillon pour me faire une démonstration. Attention, ça revient vite. Avec sa carrière de trappeur, qu'est-ce qui me taillerait comme boomerang, hein? Il s'est juste pris des bâtons dans la figure et ils sont jamais repartis, c'est ça le problème. Hein? Ça vous touche évidemment, Luc, une telle cause. Oui, il faut parler dans la réalité, parce que donc on a les grandes phrases, les grands slogans, etc. Mais moi, j'ai été extrêmement touché lors d'une soirée de gala. Vous étiez là, Sébastien, vous étiez là, Sarah, c'était à Wavre. À l'IPES. Voilà, à l'IPES. Ouais. Une grande soirée de gala au profit de Viva for Life et j'étais présent avec toute une série d'animateurs de la RTBF pour soutenir cette soirée. Et à ma table se trouvaient des personnes qui sont actives sur le terrain dans un service mandaté d'aide à la jeunesse, c'est-à-dire que ce sont des gens qui interviennent lorsqu'il y a une demande des juges des enfants. Et ce qu'ils m'ont dit tout au long de leur soirée, ils m'ont partagé leur quotidien, eh bien, on aurait peine à le croire. On aurait envie de dire non, c'est pas vrai, c'est pas possible en Belgique de telles choses, mais c'est inouï ce qu'on m'a raconté. Des enfants qui vivent sur la terre battue, dans des prolongations de caravanes faites de briques, de brocs, des enfants qui n'ont pas accès à du linge propre durant des semaines, durant des mois, durant des années, pour dormir, pour aller à l'école. Des enfants qui s'évanouissent dans leur classe parce qu'ils n'ont pas suffisamment à manger. Et donc, c'est le quotidien de gens qui sont là, actifs, jour après jour, dans les familles, pour essayer d'aider les enfants. Et donc, voilà, il faut parler de ce genre de choses concrètes, parce qu'on aurait tendance à dire, non, en Belgique, ce n'est pas possible. Mais si, ça arrive tout le temps. Et c'est juste insupportable, et c'est pour ça qu'il faut agir. Avant dernière soirée, après, ce sera trop tard. Il y a le site vivaforlife.be, il y a le numéro SMS, c'est le 4001. Vous démarrez votre message par le numéro de compte, un espace, et le montant que vous voulez verser à l'opération. Il y a évidemment le versement bancaire à toute heure du jour et de la nuit. C'est 8x0, 37, 37. On vous attend évidemment nombreux. Faites des dons. Philippe Soreille, Philippe Lambillon, les deux Philippe, ben forcément, une telle cause. Un petit mot pour encourager nos auditeurs, nos internautes aussi à participer à l'opération. Alors moi j'aurais tendance à dire que quand on a la chance d'avoir 4 enfants comme j'ai, qui sont des enfants qui ont ce qu'il faut pour vivre, on perd la notion de ce que l'on ne voit pas. Et quand on entend un témoignage comme celui de Luc maintenant, et les témoignages de tous ceux qui se sont depuis le début de l'opération ici manifestés, on réalise que parfois on vit dans une bulle, et que de cette bulle il faut qu'on s'en sorte. Et de ce cube doit sortir tous les sentiments de générosité qui permettent à tous ceux qui nous écoutent et qui nous entendent de prendre leur relais. La magnifique opération que vous menez, ma chère Sarah. Est-ce que Philippe est avec les garçons aussi, Seb et Cyril, et avec les 150 personnes qui sont derrière nous pour nous soutenir? Est-ce que l'ermite Philippe Lambillon a quelque chose à dire, forcément? Je suis plus souvent confronté à ce type de problème à l'étranger. Et donc, ce qui me surprend assez, enfin non, je ne suis pas surpris, je le sais, mais je veux dire, je ne peux pas concevoir que ça existe aussi chez nous. Je comprends encore dans des régions où les gens vivent à la limite de la survie, mais chez nous, on a tout. Il y a tellement de gens qui ont trop, en fait, on ne fait que consommer. Je ne peux pas admettre. Et en fait, quand je vois qu'on fait une opération, que ce soit une opération sur un an, sur un mois, c'est une opération qu'on devrait réitérer chaque jour. Et je pense qu'il devrait y avoir un fonds, qu'on devrait lever un fonds pour tous ces enfants, parce que c'est bien les aider une fois, mais je pense qu'il faudrait faire ça très souvent, et ça ne peut pas arriver chez nous. Effectivement, on n'aura jamais assez, mais il faut déjà participer, mettre un petit grain de sable à l'édifice. C'est que les gens prennent conscience que c'est aussi chez nous, que c'est pas nécessairement clairement aux antipodes. Mais je crois que c'est une opération qu'il faut renouveler quasi chaque année, hein, parce que les enfants, c'est quand même l'avenir. Évidemment. VivaForLife.be, mobilisons-nous tous ensemble. Ou alors, faites un petit coucou ici, place de la Digue. Eric Boschmann est bien dans la place, dans son chalet de Noël. Il sert des vins, il nous fait déguster des vins, etc. Donc, venez nous rendre visite. On va sortir le chansonnier. C'est une soirée spéciale, feu de camp, évidemment, ouais, jusqu'au bout de la nuit. Sébastien Nolvaux est encore là avant de dire bisous et de monter faire dodo, ouais, à l'étage. Juste pour rester encore dans le côté sérieux, il y a un challenge incroyable que j'ai envie de relever pendant les 43 prochaines heures. Hier soir, si vous nous suivez, il y a une dame qui est venue à la boîte aux lettres, Geneviève, qui a ému absolument tout le monde parce qu'elle m'a dit qu'elle touchait 700 euros par mois et qu'elle a fait le choix de se séparer de son fils parce qu'il avait une vie meilleure chez son papa, parce qu'elle ne pouvait pas lui permettre. Et là, tout à l'heure, la magie de Noël, la magie de Viva for Life, il y a un jeune homme, Arnaud, qui passe et qui me dit « J'ai un job peut-être pour elle ». Mais le problème, c'est que Geneviève, on n'a pas ses coordonnées, c'est quelqu'un qui passait comme ça sur la place. Voilà, le challenge, retrouvons Geneviève pour essayer de la mettre en contact avec Arnaud, voir ouais, si le job l'intéresse. Et là, c'est, j'ai envie de dire, voilà, si on sait la retrouver, ce serait super cool. Elle était là, ici, en direct avec nous, ouais, à la boîte aux lettres, hier soir vers 17h40, 17h45. Voilà, si on peut faire si ça, vous connaissez serait, Geneviève, si vous connaissez Geneviève, se si vous l'avez reconnue, si venez. Geneviève nous entend et qu'elle se reconnaît, ouais, qu'elle vienne le plus vite possible. Pas ce soir. Facebook, elle a aussi matin, la page Via demain for Life. Matin, qu'elle n'hésite pas, qu'elle vienne. On a peut-être un job pour elle. On a peut-être quelque chose qui va améliorer son quotidien. Et peut-être qu'elle pourra revoir son fils un peu plus souvent qu'elle ne le voit pour l'instant. Quel merci, beau cadeau c'est... de Noël, ce serait génial. Oh, ce serait génial. Ça, ce serait génial. On compte sur vous. Hein, Facebook, Viva for Life. Ou alors venez ici si vous avez reconnu Geneviève ou si Geneviève, vous nous écoutez. Venez nous dire. On a peut-être un travail pour vous grâce à Adrien. Évidemment, c'est lui qui l'a proposé. Arnaud ça commence par voilà, désolé. Enfin, peu importe qui, mais voilà, comme quoi il y a des témoignages qui sont difficiles, il y a des témoignages qui sont émouvants, et les gens qui reçoivent ça en pleine figure, j'ai envie de dire, sont conscientisés par ça, ont envie d'aider les gens. Merci Seb, gros bisous. À demain. Bonne nuit Sébastien. Partageons-la. Viva for Life. It won't be easy, you'll think it's strange when I try to explain how I feel, that I still need your love after all that I've done. You won't believe me, all you will see is a girl you although she's dressed up to the nines at sixes and sevens with you. I had to let it happen. I had to change. Couldn't stay all my life down at heel, looking I kept my promise, don't keep your distance. And as for fortune, and as for fame, I never invited them in, though it seemed to the world they were illusions. The solutions they promised to be, the answer was here all the time. I love you and hope you love me. Don't cry for me, Argentina. On n'a pas l'habitude de l'entendre comme ça, hein. C'est Don't Cry For Me Argentina. Sorry mon anglais, il est parti. Il est parti, je l'ai laissé à la maison. En Argentine. Exactement. C'est le choix de Jean-Paul à Soigny. Combien croyez-vous pour Viva For Life? C'est un don assez important. Plusieurs centaines d'euros. Non. 500 euros. Bravo. Magnifique. À vous de jouer maintenant. Rendez-vous sur vivaforlife.be pour partager la musique que vous aimez ou alors par SMS au 4001. C'est facile. Numéro de compte, espace et le montant que vous voulez verser à l'opération. On marque une pause et puis Philippe Soreille, elle est là. Tout comme Philippe Lambillon des Carnets du Bourlingueur. Tout comme Luc Noël. Tout comme Adrien Jovenot. Et vous savez quoi? On va chanter tous ensemble. Philippe va être à la guitare. Et on va chanter quoi? Debout les gars, réveillez-vous. Il va falloir prendre un coup. Viva For Life, avec nos partenaires. L'agriculture de Wallonie soutient Viva For Life. Ça vient d'ici, ça vient du cœur. Envoyez vos vœux avec l'app Storygram de Proximus et soutenez Viva For Life. Devinez qui je suis. Oui, c'est Benjamin Maréchal. Dites, j'interromps encore la pub, parce que Viva For Life a un dernier défi à relever à Liège. Eh ouais, c'est exactement là que tout a commencé. J'ai vu cette semaine que je pouvais compter sur vous, mais je préfère vous redemander un petit coup de main. Il me faut un maximum de monde. À partir de 18h, à la place Saint-Lambert de Liège, c'est pour Viva For Life. Est-ce que vous serez là? Parce que nous, on sera là. Mais si vous êtes là, prenez un sou. Merci. Bonjour, c'est Sylvie Honoré. Excellente fête de fin d'année à tous et revenez-moi surtout du bon côté l'an prochain. Vivacité présente Viva For Life volume 3. La double compilation avec toute la musique de Vivacité. Ed Sheeran, Pascal Obispo, Marina Kaye, Bill Kitchens, Loïc Notet, Sia, Frérot de la Vega. Viva For Life volume 3. 40 titres, la compilation qui a du cœur, au profit de Viva For Life, en vente partout et sur la boutique RTBF. I'm gonna get that rhythm back. Viva For Life, Life, Viva City. On est place de la digue, évidemment, à Charleroi, encore pour 43 heures et 48 minutes, avec une charmante dame qui est là à la boîte aux lettres. Bonjour, charmante dame. Bonjour. Bonjour, vous êtes là avec une enveloppe et vous faites partie d'une école, je crois. Oui, je suis institutrice au Collège du Sacré-Cœur et c'est de la part de tous mes élèves de la 5e A du Collège du Sacré-Cœur. Oh, bravo, merci. Vous avez organisé quoi pour récolter des sous? Mais j'ai... Juste enfin, tous, oui, tous mes élèves, on en a parlé ensemble et ils ont été vraiment super. Ils ont apporté tous les jours un petit peu d'argent pour le Viva For Life et voilà. Bravo à eux. Merci, bravo à eux, merci beaucoup. Oui, vous pouvez déposer dans l'urne. Gros bisous et merci. Et en merci. Vacances alors, j'imagine, donc profitez. Oui, bien sûr, bien vous sûr. Vous savez quoi, il y a Eric Boschmann qui est juste là avec du bon vin. Je viens vous voir tous les jours. Oh, c'est sympa, merci beaucoup, ça nous super. Touche. Merci ouais. beaucoup. Gros bisous, madame, merci pour ouais. votre action. Au revoir. Il y a Philippe Soreille qui est là encore, la guitare oui. est prête, alors est-ce qu'on va oui. chanter, danser? Bah écoutez, ouais, on va essayer. Ouais. Hein okay. Allez, vas-y, m'feu. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. On se regarde en chaîne faillance. Cette montagne, oui, parce que nous on n'a pas les paroles, hein. Gagne de terre et de sanga et passera la route. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous. Il ne faut pas de négociation. Devant les tonnes de rochers, on va faire un 14 juillet. À Attendez, rien ne voit plus les gars, on va pas passer la nuit comme ça parce que franchement ça va pas être possible. Pensez à nos auditeurs, à nos internautes et bientôt on sera en direct sur la une télé. Voilà. Donc attendez, il va falloir se concentrer, d'accord, ajuster un petit peu la voix. D'accord, tu fais les couplets, ok. D'accord. T'es prêt? Bah, oui, mais alors, il faut nous couper la... Parce qu'avec le disque en même temps, et vous... Comment vous dire, Adrien? Est-ce que je peux vous dire la vérité? C'est un peu limite. Mais c'est parce que c'est pas possible, sinon. C'est pas possible. C'est un petit peu faux, on va dire. Donc voilà, on se fait aider un petit peu par la chanson originale. Alors, tu étais le seul à chanter, d'ailleurs. Hein, non, alors, vous mettez ce qu'on peut faire, c'est mettre le disque et chanter en même temps. Ah, pas de problème. Ah, voilà. Moi, j'avais le disque qui passait en même temps. Oui. Si je n'entendais pas, j'ai 20 000 casques. Oui, c'est ça. C'est malin. Oui, mais alors, dites... C'est vrai qu'on fait de la radio, hein, j'oublie. On ne va pas s'en sortir. Non, on va pas s'en sortir. On se fait un debout les gars tous ensemble, avec la chanson derrière. Avec une chanson derrière. Ah, ok, et puis on passe à David Guetta. D'accord. Ça va pas changer. J'espère qu'on est dans le même ton. Allez, on y va. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Devant ces tonnes de rochers, on va se faire un 14 juillet à coup de dynamite. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Les enfants seront fiers de toi, la route sera belle. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Bravo, j'ai pas le souvenir que ça allait si vite, moi. Non, moi non plus. Voilà, il faut bien articuler, il faut bien... Bon, vous êtes prêts? À quoi? David Guetta avec Sam Martin. Dangerous, c'est le choix de Céline. À la Louvière, autre style. Mais c'est le choix de Céline, 30 euros. Arnaud de 10 ans qui pense aux enfants défavorisés. Merci, merci Arnaud, le choix des jeunes. Donc c'est ça aussi la magie de Viva for Life. Rendez-vous sur vivaforlife.be. You take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Ooh, but I just got that feeling, sugar. Show me your soul, I gotta know. Bet that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive. Pour Arnaud, 10 ans, qui participe lui aussi à l'opération Dangerous. C'est très dangereux de voir Cubby mangeait devant moi, là, à ce moment. Lui, il peut croquer les croquettes, et ça va, ça a l'air de lui plaire. Hein. Il adore notre table, il a dormi toute la journée sur la table ici, et là, forcément, Philippe, là, vous l'avez doué avec le petit crac-crac. Il adore le chèque Muse for Life. Et merci, vous êtes nombreux aussi à venir déposer des jouets, de la nourriture pour Cubby. C'est trop sympa. Nous avons des personnes à la boîte aux lettres, ici, Place de la Digue. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous avez déposé des sous, je l'ai vu, dans la cagnotte. Merci. Vous venez d'où? Pour Annie, Julien, Monique, Nicolas. On vient de Binche. On vient de Binche et Dolchin. Bonjour. Et vous avez passé la soirée ici, Place de la Digue à Charleroi? Non, on vient de Bruxelles, on est venu vous dire bonjour. Oh, ça c'est sympa, ça c'est sympa. Et c'est Julien qui est à côté de vous, je pense qu'il a fait les scouts ou les mouvements de jeunesse. Moi c'est Romain, mais... Bonjour Romain. Bonjour. J'espère que ça va bien, vous tenez le coup? Oui, ça va, ça va. Il ne reste plus que 43 heures, là on va tout donner jusqu'au bout. À vous de le faire maintenant sur vivaforlife.be. Romain, t'as fait les scouts? Ouais, à Binche, moi j'ai été éclaireur et pionnier et intendant. C'était quoi ton totem? Moi c'est silure dorée d'argent intense. Et je crois que normalement je suis le seul poisson-chat de Belgique apparemment. Ouais. Comment ça le poisson-chat de Belgique? Ben, mon totem c'est un poisson-chat et apparemment je suis le seul poisson-chat de la Fédération Belge. Ah c'est vrai? C'est ouais, comique ça? On m'a dit il n'y a pas longtemps. T'as un bon souvenir à raconter, un de tes meilleurs moments? Ben, j'ai eu un chef de troupe absolument incroyable, on a fait des trucs de dingue et juste passer tous les camps avec lui c'était incroyable quoi. Comment il s'appelle? Comme ça on lui rend hommage, on ne sait jamais, peut-être qu'il est à l'écoute. Je fais un gros bisou à Gérald Mérès, j'espère qu'il nous écoute sûrement et j'espère qu'il me reconnaîtra, vraiment oui. Gérald de l'unité de Binche, ce message était pour toi, merci Romain, merci à tout le monde, on vous embrasse. Moi je voulais juste savoir, c'était quoi votre totem? Moi c'était une gazelle, Sitatunga. Sitatunga, et on m'appelait plutôt Sita. Je faisais partie de la 24e unité, au foulard rouge d'ailleurs, et je m'en veux parce que je ne trouve plus mon foulard. Il était avec plein de, forcément, de signatures, de dédicaces et tout ça. Sitatunga, et mon calice, c'est Twist and Shout de la chanson des Beatles, vous voyez? Ouais. Twist and Shout, Twist and Shout, come on, come on, come on, babe. Je criais déjà à l'époque. Déjà nerveuse. Hein. Déjà, oui. Plein d'énergie, on va dire, oui. C'est vrai, et de nervosité. Merci beaucoup, Romain, merci à tout le monde. On vous embrasse. C'est la petite mandarine? La petite mandarine? Oui. Comment? La petite mandarine. Ah, mais chantez alors. Chantez la petite mandarine. Allez hop, c'est parti pour la petite mandarine. Moi je pense que la nourriture là. Je me souviens plus exactement. Dis oui, je veux bien une mandarine moi. On lui avait déjà promis une petite mandarine, c'est ça? Je sais plus qui, Eric Bever est arrivé avec des mandarines. Oui. C'était la première nuit. Vous êtes prêts pour la mandarine alors? On se souvient plus trop, mais... Oh oui, mais alors, est-ce que quelqu'un se souvient ici autour de la table? Non. Il était une fois, une petite mandarine. Petite mandarine. Qui s'en allait un soir. Au bal de sa copine. En chemin, elle rencontre. Un jeune garçon citron. Qui lui dit, viens, je t'emmène. On va danser, je ne sais plus quoi. Et pendant qu'il dansait. Pendant qu'il s'embrassait. Le jeune garçon citron. A eu un zeste déplacé. Stop. Et je crois qu'ils ont eu des petits pépins. Merci. Merci beaucoup. Gros bisous. Voilà pour l'unité de Binche. Salué ce soir. Merci. Ah là là. Et vous, les gars, vous avez un souvenir comme ça de feu de camp? Mais déjà, à Binche, je trouve que c'était raccord avec les oranges. Hein, parce que mandarine, citron, orange, ouais. Carnaval, on y était. Et puis, ça reste dans les couleurs de Viva. Des souvenirs de camp? Oui. Oh, bah oui, ça. Tout plein. Moi, je me souviens, ma mère m'a raconté que quand elle est venue me chercher après un camp de scout, j'étais tout fier parce que je lui dis, écoute, regarde maman, j'ai pensé à toi, j'ai presque rien sali. Et j'avais pratiquement utilisé qu'une seule chemise. Elle n'avait pas de lessive à faire après. Et l'état du slip après. Je vous dis pas. C'est vrai, quand on est des garçons comme ça, à cet âge-là, vous aviez quel âge, Philippe, à l'époque? Je devais avoir 8-10 ans par là, quoi. Entre 10. Ouais. Sympa, on va partager nos bons souvenirs toute une partie de la nuit. N'hésitez pas à faire de même hein, si vous allez sur vivaforlife.be en dédicace. N'hésitez pas, totem, cali, bon souvenir, on veut tout savoir en échange d'un don évidemment, parce qu'on est là pour ça. On fait la fête, mais on est là pour une seule chose, faire exploser le compteur de Vivaforlife. Mercredi soir, Oasis, 40 euros pour Gianmarco de Goutrou. Bien ça, c'est Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there. J'adore, c'est la meilleure chanson du monde et je pense qu'il y en a qui sont d'accord ici, place de la Digue, parce que ça dansait bien. Est-ce que vous aimez Oasis? On l'entend pas parce qu'on n'a pas ouvert le micro, parce qu'il y a du monde, vous êtes d'accord. Et ils ont dansé un petit peu sur Oasis, hein, donc je ne suis pas là en train de mentir. Vous êtes bien d'accord et bien d'accord avec moi. Alors, pas mal d'animations prévues encore jusqu'au bout de la nuit. C'est une spéciale feu de camp. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la Une ou sur vivaforlife.be en streaming, en live center, sur Vivacité aussi sur la Une. Ce sera d'ici une vingtaine de minutes, on l'espère en tous les cas. Donc suivez-nous et puis surtout participez à notre opération. Ça fait du bien de donner, on l'a dit tout à l'heure avec les gaillards qui sont là autour de la table. Vivaforlife.be, n'hésitez pas à dédicacer vos chansons aussi. Ça va Philippe Lambillon, les chats, vous en avez rencontré plusieurs. Oui, oui, mais il est en train de jouer avec Cubi là et sa patte. J'adore les félins. Hein, ça... Oui, oui, j'en ai quelques-uns. Des chats qui ne sont pas à moi, mais qu'on a adoptés en fait. J'ai plusieurs chats à la maison. De toutes les races. Combien? Trois. Combien à la maison? Trois? Trois chats, oui. Trois? Ouais. Qui ne sont pas à moi, qui appartiennent aux voisins, mais ils vivent chez moi et je suis parfois embêté parce que ils regardent les voisins à travers la fenêtre et les gens me disent, mais c'est mon chat, mais je dis, qu'est-ce que je peux lui faire? Mais le chat vient où il se sent bien et voilà. Et donc, je pense que c'est un animal, un très bel animal de compagnie. Nous avons pas mal d'objets ici aussi, dans le studio de verre, avec notamment un sapin derrière vous, un sapin qui est juste à côté du décon non, ça, d'ailleurs. C'est avec... Oh, c'est pas gentil ça. C'est parce que j'ai des boules sans doute. Hein. Merci ah ben justement, moi je vais vous sortir la grosse boule. Ah oui? Ah bon? Attention, hop là, une boule proposée par la Loterie Nationale que je vais aller accrocher au sapin. Il y aura 14 boules en tout, avec des billets à gratter évidemment à l'intérieur, offerts par la loterie, avec aussi une mise aux enchères. Ce sera demain 21h45, 14 boules avec des tickets à gratter. Alors ici, dans celui-ci, il y a 50 billets à gratter. Donc faites le compte, ça fait beaucoup de jeux. Attendez, c'est le Winners Club, jusqu'à 10 000 euros par ticket. C'est pas mal du tout. Donc vie, chantez-nous alors. Une petite chanson au à feu vie. De camp. À non, vie. Ça c'est pas à vie, je pense. C'est... Et alors c'est marqué toujours gagnant. Ça, ça reste oui. à voir. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait eu le Win for Life. D'ailleurs, il y en a sans doute, mais manifestez-vous. Oui, on veut être pote avec vous via Facebook notamment. Vous nous chantez une petite chanson pendant que je vais accrocher la boule au sapin. Ça boules, va les gars. Bah, oui. Sur les boules, non, pas spécialement. Mais on pensait composer quelque chose pour vous. Philippe sur la guitare. Rapidement les gars, parce que le sapin n'est pas si loin non plus. Oui. Le temps qu'il prenne sa guitare aussi. Hein. Love me tender, love me sweet, tell me you are mine. You have made my life complete, and I love you so. La révélation de Philippe Lambillon, il love a une de ses voix. Ouh là là là là, c'est chaud. Love me sweet. On ne sait plus l'arrêter. Sophia, c'est pour vous, hein. Du coup, je. Il y a eu un gros blanc. And I always will. Oh, merci Philippe Lambillon, gardez votre voix chaude. Vous allez chanter encore. Mais là, c'est tout à fait improvisé. Hein. Love Me Tender, c'est une chanson aussi de circonstance. Après tout ce que vous faites, évidemment. Je ne pouvais que vous remercier de cette façon. C'est gentil. Beaucoup d'amour, évidemment, pour nos enfants qui en ont tellement besoin. Jean-Jacques Goldman, les choses en version live. français qu'on a beaucoup chanté aussi pendant qu'on était guide, scout ou au patro, évidemment Jean-Jacques Goldman, Les Choses. C'est le choix de Candice à Gonrieux. 50 euros dans la cagnotte de Viva for Life. Laissez tomber toutes ces choses futiles qui vous entourent et faites un don pour tous ces petits bouts de choux, pour améliorer leur qualité de vie grâce à ces formidables animateurs de Viacité. Mais dites donc, c'est trop. Courage à toi Cyril, et ça diminue Sarah, toujours une pêche. Et oui, ça diminue, donc il faut agir maintenant. Partagez la musique que vous aimez via le site, notamment viaforlife.be. Vous êtes pressés, vous allez vous endormir. Là, hop, il y a le 4001. Démarrez votre message par votre numéro de compte. Un espace, c'est le montant que vous voulez verser à l'opération. Quelqu'un débarque dans le studio de Verve, va participer à notre soirée feu de camp. Et c'est le BJ Scott, c'est Baby. Salut BJ. C'est mignon, comme ça. Merci. Prends vite un micro, comme ça on peut t'entendre. Par exemple, la deuxième chaise, voilà BJ, bienvenue. Et BJ, il y a une anecdote assez sympa à raconter. Allez, je peux la raconter, hein, BJ. Parce que ouais, BJ, parce qu'il ne faut pas que les autres feront comme moi. C'est bien de... Prenez bien le micro, BJ, le casque aussi, comme ça, vous pouvez m'entendre. C'est bien Belgique, le cube n'est pas à Liège cette année. Alors, véridique, BJ Scott est allé nous rendre visite place Saint-Étienne à Liège. C'est bien de France. Et comment va la place, un petit peu moins... fréquenté, j'imagine. Faut dire que j'étais quand même un petit peu étonnée. Donc, ben voilà, d'ailleurs, on est arrivé, j'ai téléphoné, j'ai dit What's going on? D'ici à Charleroi, on est oups, j'arrive. Enfin, BJ, comment ça se fait que vous ne saviez pas que c'était à Charleroi? C'est dingue. J'étais pas dans le pays. Hein? Vous revenez d'où? En fait, on était à Paris cette semaine passée pour soutenir Loïc Noté. Oui, et alors il va gagner. Danse moi, avec les stars. Moi, je veux toujours qu'il gagne, mais bon, de toute façon, c'est il avance et c'est ça qui est important pour moi. Et Loïc Noté qui sera là demain, place de la Digue à Charleroi et non pas place Saint-Étienne, hein, vous lui avez dit. Ah non. Ici à Charleroi, sinon ici, on sera bien embêté. The Voice 5, ça démarre bientôt. BJ, toujours autant l'agnac, toujours autant envie de participer. Ah oui, absolument. Je suis vraiment tout feu, tout flamme. Et ça va être, je crois, une année assez divertissante. Comment ça? Drôle, on peut dire ça aussi? Yeah, it's gonna be fun. Parce que bon, il y a Quentin qui revient. Donc je suis sûre qu'on va se chamailler, oui. Stanislas qui revient aussi. Puis on va découvrir les Cats on Trees, oui. Plus jeunes, plus frais. Nouveaux coachs. Yep, des nouveaux coachs. Mm-hmm. Ça va être très, très, très divertissant. Voilà. BJ, vous êtes là, évidemment, pour nous soutenir, pour soutenir ces enfants qui sont dans la pauvreté. 80 000, 1 sur 4. Forcément, ça vous touche. En tant que la mama de The Voice, forcément, en tant que femme, vous êtes touchée. Et vous allez d'ailleurs nous chanter une chanson à la grade, justement, pour laisser passer un petit peu votre émotion. Vous, n'hésitez pas à mettre le casque orange aux couleurs de vivacité. Comme ça, vous vous entendez un petit peu, BJ. Et puis, vous prenez... Elle est belle, votre guitare. Wow. Un peu soirée scout. Oui. Attends, je vais bouger le micro si ça fait les poum et les paf. C'est parce que je m'installe. Okay. Et c'est marrant parce que ça fait les poum et les paf dans la bouche de BJ, ça le fait. Quoi. Vois, ça fait des poum et des paf. Musique, Exactement. Vous allez bien, les gars? Mais très oui, bien. J'ai un petit coup de stress, là, mais on est arrivé. Hein. Ah ouais, c'est bien. Tant plus que Liège, c'est plus loin de Paris que Charleroi. C'est dommage. Écoute, c'est la dommage. Guitare, je vais l'accorder un petit peu, donc vous pouvez meubler cette silence désagréable avec les histoires. Les deux Philippe sont là, on a Philippe Lambillon du carnet du Bourlingueur, qui a une voix, on a découvert ça, ici, à Viva for Life, et puis Philippe Soreille, qui a sa gratte aussi, oui, mais qui la touche pas, en face de BJ Scott, non. BJ, je vais faire semblant de jouer, pour me donner l'illusion. BJ, non, mais c'était sympa, hein, j'ai écouté quand même dans la voiture. Ouais, ah là, oui, vous avez fait de la route, pour le coup. Vous nous suivez depuis 18 heures. Ah oui, j'avais dit, tiens, si on allait à Namur après. Chiche. Vous êtes prêts, BJ? Oui. Allez, c'est parti. Voici une chanson qui... Plus de son. Plus de son, voilà, le son est revenu. Ah, c'est pas grave, c'est dans le cube. Dans le cube, tout peut arriver, là. C'est bien vrai. Donc, voici une chanson qui parle justement des gens... qui ont quelque chose, mais qui ont eu ce quelque chose par eux-mêmes. Et on dit que Dieu bénisse ceux qui travaillent et qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc c'est un petit peu dédicace à tous ces gens qui sont effectivement dans la précarité, mais qui font le mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc je trouve que vraiment il y a un courage extraordinaire là-dedans et ils méritent un petit coucou. Voici une chanson de Billie Holiday. such a girl, them is not shall lose. Though the Bible says in its dearest news, Mama may have and Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Rich relation that gon' give you crust, bread and such, you can help yourself. Don't you take too much, 'cause Mama may have it, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Réaccordé. Bravo, Budget, c'était un magnifique hommage, évidemment, à toutes les personnes qui sont dans la pauvreté. Je peux vous dire qu'on applaudit Place de la Digue aussi. On est tous un petit peu émus parce que entendre juste votre voix avec la guitare, ben, ça le fait, quoi. Tout le monde n'est pas Budget Scott, vous voyez ce que je veux dire. Donc, merci beaucoup, Budget. Vous restez là, évidemment, dans la place, et je suis sûre que vous avez prévu d'autres chansons encore. On ah va oui, j'ai encore les chansons. Passer une soirée ensemble sur vivaforlife.be, sur Vivacité. Nous avons des personnes, un couple, je crois, à la boîte aux lettres. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir attendu. Ça fait un petit temps que vous attendez, mais on n'allait pas couper Budget Scott, vous voyez, c'est magnifique. Ça serait vraiment dommage de couper BG, hein. Attendez, elle est magnifique. Ouais. Vous faites quoi? Vous êtes de la région de Charleroi? On est de la région de Charleroi et on a un petit cadeau pour chacun d'entre vous. Oh, c'est sympa, merci, en vous fait, nous gâtez. C'est un livre que j'ai écrit au profit des enfants pour Cap 48. Et je vous l'ai dédicacé à chacun d'entre vous. Oh, c'est super. Voilà. On va venir le chercher. Je viens le chercher vite à la boîte aux lettres. Il y a une petite poésie qui est spéciale pour aujourd'hui que vous lirez quand vous aurez l'occasion. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup. C'est trop sympa. C'est fou comme vous nous gâtez, hein, de plus en plus. C'est vraiment magique. On reçoit des peluches. On reçoit des magnifiques dessins faits par les enfants, des poèmes, des poésies, des livres, etc. Et franchement, ça nous touche. C'est ça aussi qui nous aide à tenir dans ces conditions-ci. Voilà, on va faire ça tous ensemble. On va venir en aide à ces 80 000 enfants comme on peut. Évidemment, on peut pas tout faire. Mais merci tout le monde. C'est All City. If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep, 'cause they fill the open air and leave teardrops everywhere, you'd think me rude, but I would just stand and stare. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, 'cause everything is never as it seems. 'Cause I get 1,000 hugs from 10,000 lightning bugs as they try to teach me how to dance. A foxtrot above my head, a sock hop beneath my bed, a disco ball is just hanging by a thread. Myself believe that planet Earth turns. because my dreams are bursting at the seams. Owl City Fireflies, c'est le choix de Mélanie à Auvelay. 15 euros pour l'opération. Merci les Philippe, Philippe Lambillon, Philippe Soreil. Vous savez quoi? Installez-vous près de notre feu de camp. Vous avez un défi à relever. Ce sera juste après 1h du matin. Défi lancé par... 1h? Oui, c'est... vous ne saviez pas? Si, si, c'est maintenant, c'est maintenant. Donc installez-vous, on a préparé un petit feu de camp là, juste pour vous, et vous revenez avec un défi évidemment lancé par Hugo Frey. A tout de suite. Il est minuit. Michael Menten pour vous informer. Bonsoir. Le Front commun syndical de la SNCB maintient son préavis de grève en janvier. Il réclame la désignation d'un préconciliateur pour clarifier la situation d'ici le 31 décembre et examiner les pistes possibles. Le préavis de grève est donc maintenu pour 5 jours, les 6, 7, 21, 22 et 23 janvier prochains. Situation plus rassurante dans les prisons où on se dirige vers une sorte de crise. Une réunion s'est tenue ce lundi au SPF Justice entre Koungens et les représentants des syndicats du personnel pénitentiaire. Réunion qualifiée de constructive, un protocole d'accord a été signé. Les syndicats ont notamment été rassurés sur les primes et les pensions des agents pénitentiaires. L'état d'urgence proclamé pour 10 jours au Mali, décision prise par le gouvernement malien à la suite d'une série de menaces émanant de groupes djihadistes. Cet état d'urgence doit permettre aux autorités d'empêcher tout projet d'atteinte à la sécurité du pays. La suite du procès à la FIFA, c'est un logiciel spécial qui aurait permis, selon une source proche de la FIFA, de repérer le versement controversé entre Sepp Blatter et Michel Platini. Les deux hommes ont été suspendus ce lundi de toute activité liée au football pour 8 ans. Sepp Blatter et Michel Platini ont décidé de faire appel à leur suspension. Le sportif belge de l'année, Kevin De Bruyne, a inauguré son titre ce soir par une défaite avec son équipe Manchester City. C'était face à Arsenal. Score final 2-1 pour les Gunners. Kevin De Bruyne qui a joué l'entièreté du match. Et puis le nouvel épisode de Star Wars, sorti dans les salles depuis mercredi dernier, a déjà récolté 529 millions de dollars. L'épisode 7, Le Réveil de la Force, dépasse ainsi largement le précédent record établi l'été dernier par Jurassic World. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous souhaite une excellente nuit. Achetez les maracas Viva for Life Belfius et faites-vous entendre pour les enfants défavorisés. Belfius, nous nous engageons à 100% pour Viva for Life. Life. De 22h à 2h avec Sarah Depadua. Et là, il est minuit 3, nous sommes officiellement le 22 décembre. On sort le 23 décembre au soir, donc il ne reste que peu de temps pour agir. Faites-le. On a plusieurs moyens pour participer à l'opération. VivaForLife.be, participez, partagez la musique que vous aimez. C'est une soirée spéciale feu de camp avec BJ Scott qui est toujours là. Salut BJ. Hey baby. Quelle est votre chanson préférée comme ça de feu de camp? Vous avez une chanson fétiche? Plusieurs évidemment. Oui. Que je crois qui était très traduit par Joe Dassin qui s'appelle Good Morning in America, the City of New Orleans, voilà. C'est votre chanson préférée, donc. Non voilà. Ok, super. À vous de choisir la musique que vous préférez. N'hésitez pas à la dédicacer aussi sur vivaforlife.be. Sympa, on va chanter tous ensemble une bonne partie de la nuit. Et il y a aussi, qu'est-ce que je vois, la boîte aux lettres des scouts. Est-ce que ce sont des scouts ou partie du patron ou quoi? Bonjour les gars. On n'est pas trop scouts en fait. C'est Nicolas-Xavier Ladouze, c'est Olivier Coll. Nicolas-Xavier, qu'on connaît la météo évidemment, qui présente quel temps. Olivier Coll, animateur de Liège Matin sur Vivacité, évidemment tous les matins de la semaine. Et aussi, vous avez créé votre propre radio, donc amoureux de la radio, c'est pour ça que vous êtes là, les gars, non? Ben, un petit peu quand même, oui. Mais oui. Et vous revenez d'un hic, là, vous avez les sacs à dos bien chargés. On était à Bioul sous tente, mais il pleuvait un peu trop. Et donc, on recherche le gîte, en fait. Quel gîte? Mais je sais pas, ça a l'air bien chez vous quand même. Qu'est-ce qu'on fait dehors? Est-ce qu'on les laisse rentrer ou pas? Ouais. Allez, d'accord. Ben, passez par derrière. Hein. Il y a plein de sas à passer parce qu'on ne rentre pas comme ça n'importe comment dans le cube, évidemment, de Viva for Life. Salut les gars, ça va? Ils n'ont pas l'air trop fatigués, ils ont l'air propres sur eux. À mon avis, ouais, c'est dans le canapé ouais, qu'ils ont fait. Ils nous rejoignent dans quelques instants, donc n'hésitez pas à partager la musique que vous aimez sur vivaforlife.be. Viva for Life. Crush a bit, little bit, roll it up, take it. Crush a bit, little bit, roll it up, take it, take it, take it, take it. Crush a bit, little bit, roll it up, take it. Crush a bit, little bit, roll it up, take it. Feeling lit, feeling right, 2 a.m. summer night. I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing. Rolling the mid beside and out, living my life, getting out dreams. I'ma do just what I want, looking ahead, no turning back. People told me slow my roll, I'm screaming out, fuck that. I'm screaming out, fuck that. I'm screaming out, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that. You know about dreaming, dreaming. You don't really know about nothing, nothing. Tell me what you know about the night terrors every night. 5 a.m. cold sweats waking up to the sky. And I know everything that's shining always gonna be gold. I'll be fine once I get you know about dreams, dreams. Tell me what you know about night. There is nothing. You don't really care about the trials of tomorrow. Rather lay awake in a bed full of sorrow. Ce serait un peu compliqué à mettre en place. Kid Cudi, le choix de David. David à Leuzan-Hainaut. 40 euros pour Viva for Life. Une petite musique afin de rester ou de se réveiller en pleine forme pour cette dernière ligne droite. Et c'est vrai que ça nous a fait du bien. Voilà qui est fait. À minuit 9, on est vraiment bien réveillés. Ouh, est-ce que ce seront nos deux baroudeurs qui débarquent? Ouais, ils enlèvent. Allumez. Salut, l'école. Oh, hey, merde. Ils débarquent ici en studio, ils sont beaux tout plein, dis donc, avec leur sac à dos. Merci d'avoir. Ils ont l'air de vouloir rester la nuit, ils sont venus avec tout là. Ils ont fait un hic, alors j'ai dit soi-disant le hic, parce que les chemises sont trop propres, les gars. Montrez un peu les chaussures, les godasses. Attendez, j'ai fait des hics, d'accord. Montrez. Ouais, allez, on va dire que ouais, d'accord. BJ, mouais. Mais je crois que s'ils restent la nuit, d'ici demain, ça va avoir un autre. c'est clair, surtout avec le bruit et, le, et les chambres. Ça va, installez-vous, Nicolas Xavier Ladouce est là, Olivier Coll aussi. Et hello. Ça va, le gîte vous convient? Mais ça va, c'est très bien. C'est assez confortable. Il y a de quoi dormir et tout. Hein, c'est, donc, c'est mieux que ce qu'on a connu sous temps. Il y a peu de foin quelque part. Parce qu'on a été abrité par la troupe de Monceau-sur-Sambre, oui. C'était un peu humide. Oui. Merci Hermione d'ailleurs. Serval. Oui, Saïmiri. Voilà, exactement. Saïmiri. Qui nous ont abrités de l'averse. Excellent. Vous avez fait les mouvements de jeunesse, pas trop, scout, moi, guide. J'ai fait deux mouvements de jeunesse, ouais. Deux pas trop, deux jours. Deux voilà. Pas trop, deux jours. Voilà. Mais pas ça trop été, en fait. J'ai pas trop été, non. Qu'est-ce qui ne vous a pas plu, Nix, Nicolas Xavier. Je ne sais pas pourquoi, mais ça n'a pas fonctionné. Mais pour ma fille, par contre, là, elle est inscrite chez les baladins. Donc, vous n'aimiez pas faire pipi, caca dans la nature, mais non. La feuillée. Ah, la feuillée. On en parle tout de suite ou on garde ça pour tout à l'heure, ça. Allons-y, comme ça, c'est évacué. Olivier Coll, vous avez fait les mouvements de jeunesse, apparemment. Si vous parlez de feuillée. Je vous explique. Vous voyez pourquoi je ne sais pas fermer ma chemise ce soir, c'est parce que j'ai été rechercher l'original de l'époque il y a une bonne vingtaine d'années et donc c'est impossible pour moi de la fermer. À je croyais avoir gardé ma taille de guêpe de l'époque. Hein, oui, bien sûr. Tellement elle a été portée, bien évidemment. Et quoi, c'est bzzz, c'est votre totem? Oui, c'est mon totem. Moustique. Excellent. Moustique et votre cali alors? JT. JT? Un peu prémonitoire, mais bon, voilà. JT? Pourquoi JT? Le journal télévisé? La Gazette du Village. Ah, déjà, alors les potins, etc. On me payait pour la fermer, maintenant c'est le contraire. Et moustiques, pourquoi? Parce qu'ils piquent là où il faut, non? Alors, c'est une longue histoire, mais en fait, ça... vous connaissez la BD La Patrouille des Castors? Non. Alors, il y a un héros de l'histoire qui est Mouche. Mm-hmm. Et Mouche est un petit peu rouquin avec des taches de rousseur. Et donc, ils ne voulaient pas m'appeler Mouche parce que ça faisait un peu mouche à caca. Et donc, ils ont déjà choisi Moustique. Voilà. Ça nous ramène un peu à la feuillée. Ça promet pour cette semaine. Tout est lié, vous voyez, tout est lié. Ouais. BJ Scott, vous avez participé à un mouvement de jeunesse étant plus jeune? Non, moi, mais j'ai fait beaucoup de feux de camp. Mais ouais. des copains et tout. On va totémiser BJ. C'était pour les autres, les scouts. Nous, on était dans les bois, mais pour les autres choses. Pour chanter. On ne peut pas dire ça. Derrière les arbres. Je vous connais, c'est pour ça que je disais. Noël vous regarde avec des yeux là-bas. J'assume. C'est vrai que nous avons quatre autres scouts là de l'autre côté. C'est l'ancienne génération en fait. Tiens, Vlan, prends-toi ça dans la tête. Il y a Adrien Jovenot, Philippe Soreille, Luc Noël et Philippe Lambillon des Carnets de Bourlingueurs qui sont là autour du feu de camp. Et ils vous préparent un défi parce qu'on doit relever un défi juste après 1h du matin. Vous restez un peu là, on va chanter tous ensemble évidemment. On a pris nos carnets de chant, nos chansonniers. On a révisé un petit peu quand même. D'accord. En étant avec Abioul tout à l'heure. Oui. Et on a fait pleuvoir, donc ça promet. Oui. Voilà. Le défi, je le rappelle, c'est un alphabet scout lancé par Yves Duteil. Parce que j'ai dit Hugo Frey, c'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes chanteurs, ils n'ont pas fait les mêmes chansons. Oui, mais comme il a fait Hugo Frey, il a fait beaucoup de chansons qu'on chantait aussi. Aussi, c'est ça, c'est pour ça que je confonds toujours. Les deux, je les ai toujours confondus en fait, BJ. Oh, c'est pas grave, chérie, c'est pas ta faute. Merci la maman de m'aider. Quand on pense aux scouts aussi, on pense aux colonies de vacances. Je vous ai créé une petite bafouille pour pas que vous vous fassiez de mourons. Ici on est aux petits oignons, j'ai que 8 ans mais je me débrouille. Je tousse un peu à cause qu'on avale la fumée de l'usine d'à côté. Mais c'est en face qu'on va jouer dans la décharge municipale. Les jolies colonies. On nous met à l'aise, c'est vraiment comme à la maison. Les faillots c'est du vrai béton, j'ai l'estomac comme une falaise. Le matin on va faire les poubelles, bleu. Les surveillants sont pas méchants. Ils ronflent les trois quarts du temps, vu qu'ils sont ronds comme des queues de pelle. Et joli. J'ai le menton en guidon de vélo et trois canines au père Lachaise. Les punitions sont plutôt dures. Le pion il a pas son pareil. Il nous attache en plein soleil, tout nu barbouillé de confiture. Seule personne y va. On va se tremper dans un petit bras où sortent les égouts de la ville. Pareil qu'on a tous le typhus. On a le pétrus tout boutonneux. Et le soir avant de se mettre au pieu, on compte à celui qu'on aura le plus. À mes chers pères et mères, mes baisers les plus distingués. Je vous quitte là, je vais voir ma fiancée, une vieille qui a au moins ses 10 berges. Les petits, on n'a vraiment pas de chance, on nous fait jamais voyager. Mais les grandes filles vont à Tanger dans d'autres colonies de vacances. Les jolies colonies de vacances, merci maman, merci papa. Chaque jour, je voudrais que ça recommence. Youplali, lali, lala. Anthony Molenbeek, 5 euros pour Viva for Life. À Sarah, un seul défi. Ouïouïouï, on me lance Attention. Un défi. Aïe, aïe, aïe, aïe. Ça commence. Tous les auditeurs seront d'accord avec moi. Pas de panique, Sarah. Bon, déjà, ça va. Je me repose un peu. Tout va bien. Peux-tu nous mettre aux enchères la recette de ta bonne humeur, ta joie de vivre, ton humour, ton entrain, la générosité, ce genre. Oh, dites, c'est trop mignon, c'est beau, ça. C'est mignon. Il n'y a pas de recette, en fait. C'est simplement, on est porté par vous tous qui venez ici, Place de la Digue, toute l'équipe qui est derrière, le soutien sur les réseaux sociaux, etc. On va faire ça tous ensemble. Et donc, forcément, ça nous porte. Forcément, on a le sourire. Forcément, on est de bonne humeur. Et donc, on est là pour compter sur vous aussi. On ne fait pas ça pour rien. On est là, on s'enferme pendant 6 jours, 6 nuits, on ne mange que du liquide, on dort pas beaucoup, c'est pas grave, on ne se plaint pas, mais c'est juste pour dire, allez vous aussi de votre côté, faites quelque chose, participez à l'opération, envoyez un don par SMS notamment, c'est le 4001, démarrez votre message par votre numéro de compte, un espace et le montant que vous voulez verser à l'opération, c'est facile, c'est gratuit, sinon il y a le site vivaforlife.be pour échanger, partager la musique comme vous, que vous aimez, comme l'a fait Anthony d'ailleurs, merci déjà. BJ Scott est ici avec Olivier Colle, avec Nicolas Xavier Ladouce. BJ, vous allez gratter la gratte. Oui, je vais gratter la gratte. Vous allez nous proposer une chanson? Oui, je vais proposer une chanson qui, bon, pour ça, qui peut très, très États-Unis de nouveau. Oui. Mais enchantée autour du feu du camp aussi, cette chanson. Sortez les zips. Mais bon, c'est pas le truc, c'est pas comme le dernier là, Yucada. Ouais. Mais elle est super connue. C'est la fin de la veillée en fait. C'est le moment d'aller un peu plus dormir, les paupières sont lourdes. Oui, c'est ça, c'est le moment où tu regardes le ciel et tu dis ah, les jolies étoiles, que le feu quand est bon. Tu vois, bienveillant comme ça. Mm. C'est une soirée pour. Donc, BJ, elle est bienveillante, on adore. Je suis bienveillant, mais pas toujours bien réveillée. Attendez, là, il est minuit. 20. Vous avez été jusqu'à Liège parce que vous croyez que le cube était à Liège. Je pense que ça vous a réveillé, non? Ça m'a bien réveillé. En orientation, à zéro. Hein. Un peu allez-y, de cours de carto. Amazing grace, hey, sweet the sound that say I 'twas grace that taught my old heart to fear, and grace my fears relief. Hey, oh, precious dear, that grace appear. Place de la Digue, ici à Charleroi, BJ Scott dans le studio de Vert. Magnifique, BJ. Comment vous faites pour nous envoûter chaque fois, à chaque chanson? Il y a beaucoup d'émotions qui passent, c'est dingue, c'est magique. Ouais, c'est moi, c'est juste moi. C'est juste me, et ne me demandez pas pourquoi. Non, oui, c'est ça, ça fait partie de mon sûr, être, mon âme, quoi. Si on avait eu BJ du temps des camps scouts, il y aurait eu moins de chambards à la fin de la veillée. C'est vrai. Parce que là, tout le monde aurait été zen pour regarder les étoiles toute la nuit. On fait encore, encore. Nous avons du monde à la boîte aux lettres. Bonjour le monde. Mais attends, on va tout donner. Bonjour, non, on va pas tout donner. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. D'où vous venez, les gars? D'ici. De l'autre Linsart. De Charleroi. La région de Charleroi. Ouais. Et vous passez, mettre des sous dans la boîte aux lettres. Oui. Excellent. Et je vois plein de billets. Allez-y, mettez-les, glissez-les. Comment ça, glissez-les? Montez-moi les. On passe pour des radins. Merci les gars. On voudrait bien une chanson. Ah, on peut pas passer par la Jonas boîte aux lettres pour les chansons. Jonas Saint. Jonas les yeux d'Emily. Les yeux d'Emily. Vous savez quoi, rendez-vous sur via le call center ou sur vivaforlife.be, ouais. Là maintenant, tout de suite. Vous savez pourquoi on peut pas commander la chanson à la boîte aux lettres? Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. C'est une opération sérieuse aussi, gérée d'ailleurs par toutes les équipes de Cap 48. Et donc on peut pas comme ça prendre des sous pour des chansons. Tout ça est bien géré parce que chaque chanson va passer, même après Viva for Life. Vous voyez, parce qu'on peut pas passer les chansons de tout le monde. Et donc pendant une semaine, on s'engage à passer les chansons de Vivacité. Voilà pourquoi il faut passer via un biais plus officiel comme le site internet vivaforlife.be. Mais peut-être qu'on ne sait pas. Non, on peut pas. Guitare, les yeux d'Emily, quoi. Chantez là alors, les gars. Allez. Dans son quartier du vieux Québec. Allez-y encore. Non, on doit descendre. Ok. Il y a le garde qui nous dit on doit descendre. Salut les gars. C'est castard le mec. Si tu veux pas, c'est si mal que ça. Et n'hésitez pas, hein, si vous voulez entendre la chanson des gars là, Joe Dassin dans les yeux d'Emily, passez via vivaforlife.be et comme ça vous faites le petit clin d'œil pour un don, en échange d'un don évidemment pour Viva for Life. Olivier est là dans la place, il est là, ici, est là, dans le studio de Verbe. Nous avons un autre Olivier non, en ligne. Non, c'est pas vrai. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Sarah, bonsoir tout le monde. Salut. Vous êtes à Fleurus. C'est bien juste. Est-ce que vous avez été scout, guide? Non. Oui, oui. Quoique, pas trop, c'est vrai? Oui, oui. Où ça, oui, dites-nous? À Wavre. À Wavre, quelle unité? Comme ça on fait un petit clin d'œil, un petit coucou. Bon, elle n'existe plus, c'était la 49e. 49e, le foulard était de quelle couleur? Vert et blanc. Et votre... Je me souviens bien. Votre totem. Non, mais... Mon totem, je ne m'en souviens plus malheureusement. Ouh là là, ça sent le blanc. Ah, c'est à ce point-là. Vous ne faites pas votre âge, Olivier, avec la voix. On ne s'imagine pas. 43 ans. C'était 43 ans. Oh, ça va. C'est pas si loin non plus. Est-ce qu'ils brassent leur propre bière à Fleurus, Olivier? Je pense. Vous avez des brasseries là-bas? À Fleurus, même, je ne pense pas, non. Ah ouais, j'ai essayé de trouver pourquoi vous avez, à votre jeune âge, déjà oublié le totem si vite. C'est vrai, qu'est-ce qui se passe à Fleurus pour que ça efface tout le mémoire de ta jeunesse comme c'était ça? Poisson rouge, ce totem, je pense. Poisson rouge, sympa. Non, je ne m'en souviens plus, malheureusement. Olivier, vous avez décidé de participer à l'opération, sympa. Vous êtes passé via le site internet? Oui, c'est bien juste. C'est facile, non? Dites-le à nos auditeurs, nos téléspectateurs. Oui, c'est très facile. Très, très facile, oui, oui. Ça prend 2 minutes. Il n'y a aucun problème. Et vous avez choisi quelle chanson, Olivier? Final Countdown, de You Were. Pour quelle raison? Parce que ça y est, c'est la dernière ligne droite? Voilà, exactement. Et donc, je pense que pour moi, ça signifie la fin du compte à rebours pour la précarité pour les enfants, justement, comme c'est quand même l'avenir de notre société et notre avenir aussi. Donc, c'est très important quoi, pour moi, les enfants. Comme j'ai 3 enfants et une petite fille aussi, comme on est des jeunes grands-parents. Donc, À 43 ans déjà, papy? Eh oui. Excellent. Oui, oui. Voilà, j'étais battue, Olivier. J'étais grand-mère à 38 ans. 38 ans. Ah, ben, voilà. Wow. Donc, pour nous, ça a beaucoup d'importance, les enfants, et c'est sûr que leur avenir est très important. Merci, Olivier, d'être passé par le studio des Verts. Gros bisous. Vous allez aller dormir ou pas tout de suite? Vous nous regardez encore un petit peu? Non, je vous regarde encore une partie de la nuit en général. Ok, bonne super idée. Alors éclairez la voix parce qu'on va chanter jusqu'au bout de la nuit. C'est une soirée spéciale. Le feu de camp, pas trop, scout, guide, j'en passe et des meilleurs. On va sortir le chansonnier avec toute l'équipe. Gros bisous Olivier, 50 euros pour Viva for Life. C'est beaucoup. Et si tout le monde met 50 euros, on va y arriver les gars. Donc bougez maintenant, vivaforlife.be. Choisissez la musique que vous aimez. Dédicacez-la aussi, Europe. VivaForLife.be de Final Countdown. VivaForLife. La musique a du cœur. Partageons-la. Ça fait chaud au cœur de vous voir tous là. Tout le monde est là. Il y a Luc Noël, évidemment, Adrien Jovenot, Philippe Lambillon. Et l'autre Philippe, il est où, Philippe, Philippe Soreille? Il est où? Il est parti. Il est allé faire pipi. Pour ravitaillement. Il revient. Il s'est blessé ou quoi? Il fait pipi sa blessure pour désinfecter? Dans les Hake Scouts, il y a toujours un qui s'occupe du ravitaillement, qui va, etc. Donc il est. Les trois, Adrien, Philippe Lambillon et Luc Noël, vous aviez un défi lancé par Yves Duteil, c'était de faire un alphabet scout. Comment ça avance? Eh bien, on a terminé le texte, là on est en train de peaufiner les arrangements musicaux. D'accord. Attention. C'est du high level. Oui. Vous n'allez pas être déçus. Franchement, on est très contents du texte, on s'y est vraiment tous mis, et on est parti de A à Z, et toutes les lettres de l'alphabet ont été reprises dans cette chanson qu'on vous réserve juste après le journal de... De 13h du mat. Parce que moi, je compte en heure australienne avec le décalage horaire. C'était jusqu'à 13h. Mais non, 13h dans le bouche, une heure ici. Ce sera un défi à voir aussi sur la une en télé. BJ Scott est là, bien sûr. Il y a Olivier Coll, Nicolas Xavier Ladouce et Fadi et Renaud nous ont rejoints. Sympa les chemises, les gars, sympa. Vous... Alors ce soir, on ne doit pas dire Fadi et Renaud, on doit dire Gélada et Dauphin. Parce que c'est... Gélada. Tout le monde s'appelle par ses totems. C'est quoi ce comme soir. Animal, ça Donc, voilà, c'est son tout. Et quoi, t'étais le genre à tout dire, tout expliquer ou quoi? Genre le mec qui parle de trop? C'était plutôt, il fallait un mode d'emploi pour arriver à me comprendre. D'accord, un peu spécial alors. Et j'ai la dalle, non? Non, ça n'a rien non, à voir. Non, ça n'a rien à voir. On peut pas parler de ça maintenant. Moi j'ai la dalle. J'ai la dalle. Et pas dit dauphin, dis donc, pourquoi dauphin? Assez sociable. Ah oui, il a mis tout le monde, quoi, c'est ça? Voilà, c'est ça, un petit dragster, mon cali. Le micro marche pas, vérifiez si c'est ouvert là en dessous. Pourtant, moi, le curseur pour est levé, tout son, est levé. Non, c'est pas ça. Toujours pas, on va y arriver. Voilà. Ça va toujours non, pas. Voilà, ça vient. Vous savez quoi, on va finir avec un micro pour 20. Voilà, donc, ça va être disais, facile. Voilà, dauphin pour le côté social et puis dragster, parce qu'apparemment, je m'énerve assez vite. Oh là, on va pas t'énerver alors. Ça vous savez quoi? Vous allez nous interpréter un petit quelque chose, c'est ça? Oui. Allez, c'est parti. On peut chanter? Tout à fait. Yes. Vas-y, Olivier, c'est toi qui lance. Le bon Dieu s'énervait dans son atelier. Ça fait 3 ans que j'ai planté cet arbre. Et j'ai beau l'arroser en cœur de journée, il pousse encore moins vite que ma barbe. Pour faire un arbre, mon Dieu que c'est long. Pour faire un arbre, mon Dieu que c'est long. Pour faire un arbre, mon Dieu que c'est long. Pour faire un arbre, mon Dieu que c'est long. Le bon Dieu s'énervait dans son atelier. Sur ce maudit baudet, 10 ans j'ai travaillé. Je n'arrive pas à le faire avancer, et encore moins à le faire reculer. Yes. Pour faire un âne, mon Dieu que c'est long. Pour faire un âne, mon Dieu que c'est long. Pour faire un âne, mon Dieu que c'est long. Pour faire un âne, mon Dieu que c'est long. Bon Dieu s'énervait dans son atelier en regardant un homme marcher à 4 pattes. Et pourtant, nom d'une pipe, j'avais tout calculé pour qu'il marche sur ses 2 pieds. Un pied pour faire un homme. Mon Dieu, que c'est long pour faire un homme. Mon Dieu, que c'est long pour faire un homme. Mon Dieu, que c'est long pour faire un homme. Mon Dieu, que c'est long. Le bon Dieu s'énervait dans son atelier en regardant le monde qu'il avait fabriqué. Les gens se battent comme des chiffonniers et je ne veux plus dormir en paix. Oui, oui. Pour faire un monde, mon Dieu que c'est long. Que c'est long. Pour faire un monde, mon Dieu que c'est long. Que c'est long. Pour faire un monde, mon Dieu que c'est long. Pour faire un monde, mon Dieu que c'est long. Une autre. Après vous revenez les gars. Oh c'est trop sympa, c'est trop génial. Oui, c'est vrai, c'est plus facile. Ah c'est bien de partager la musique comme ça ensemble. La musique, la musique a du cœur. Exactement. Et a des cœurs aussi. Quelle belle chorale. Hein. Franchement ouais, super franchement. Super. Ah. Un parmi nous. Oui. Et on m'aurait dit un jour j'allais faire un duo dans la chorale avec BJ Scott et Philippe Lambillon, Luc Noël, toute cette troupe, c'est vraiment super sympa. Avec vous avez vu en chef de corps, en chef ten, elle fait très bien la chef ten. Oui. Sarah. Ah, ouais, ouais. C'est Oui. Franchement. C'est B. C'est B. C'est ma première chanson. C'est B,

Philippe Lambillon des carnets du Bourlingueur, bien évidemment. Philippe, alors on a parlé de l'urine tout à l'heure pour non mais pour désinfecter. Vous avez parlé de l'urine, moi j'en vous en avez parlé aussi et que vous faites toujours pipi sur vous. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Il n'y a pas que moi, Philippe aussi avec les années. Non, moi je fais dans un fût. Et puis il sert une bière, vous voyez, il transporte son urine dans une bouteille lui. Voilà, je la ramène au continent. Et nous avons une belle petite troupe aussi du côté de la boîte aux lettres. Oui. Salut. Hello. Bonsoir. Ah, j'ai déjà vu cette tête là quelque part. Ah, oui. Tous les soirs on vient. En fait, on est les organisateurs du village de Noël et tous les soirs on vient vous dire au revoir et mettre nos pourboires dans l'urne. Oh. Et donc avec le village de Noël, on s'est tous cotisé avec les exposants et on vous a remis un chèque de 4020 euros. Ouais. Tout à l'heure. Oh. Magnifique. Ouais. Bravo. Félicitations. Et les pourboires en plus, c'est juste. Et les pourboires en plus. Et Adrien Jeuveneau qui s'agenouille devant eux, évidemment. Parce que c'est pas possible. Et alors, on m'entend encore. On a du staff, ils aimeraient bien postuler pour pouvoir adopter Kubi. Ouais, moi j'ai dit Kubi. Mais là, il y a toute une procédure mise en place. Rendez-vous sur Facebook, tout est expliqué, évidemment. On peut le mettre en vente. Je pense qu'il faut lui faire une déclaration d'amour. À Kubi. Ils font ça très très bien. Voilà. Donc rendez-vous sur les réseaux sociaux, etc. Et puis tout ça est validé évidemment par les instances compétentes, bien évidemment. Et toutes les infos sur vivaforlife.be. Merci les gars. Super. Salut. Et bon dodo. On à se retrouve demain soir. Ici, place de la Digue évidemment, pour le marché de Noël. Philippe Lambillon. Alors un autre truc aussi, c'est par rapport aux pierres. Vous nous avez raconté un truc par rapport aux pierres. Ben, c'est-à-dire que je sais que vous ne mangez pas, vous ne faites que boire. Oui. C'est vrai. Si vous voulez moins boire, il y a un truc, donc vous pouvez diminuer en fait la quantité d'eau que vous déjà qu'on ne mange pas. Vous êtes cruel. Vous ne mangez pas et vous allez moins boire aussi. Tiens. Mais si vous tombez d'inanition, je pourrais vous ranimer. C'est ça le truc en fait. Je suis très fort. Je suis très fort dans la manipulation en tout genre. Et donc. Vous avez vu que je vous ai laissé tout seul. Mais oui. Non, mais à vous voir danser dans une tenue comme ça de scout, je veux dire, ça me rappelle. Parce que vous ne le voyez pas, mais regardez, j'ai mis la jupe scout. Aussi. Oui. J'essaie de le montrer. Non, oui. Encore plus. Tu qu'elle le s'envole quand même passer derrière aussi. Juste passer derrière. C'est kangourou ton totem. Quelle souplesse. Oui. Merci d'ailleurs à la charmante. Mais Bidget Scott va nous faire pareil, hein, Bidget. Hein. Non. Donc revenons aux pierres. Revenons. Alors donc, ces pierres, je les ai amenées parce que ce sont les miennes, mais je les ai lavées évidemment. Et donc, il faudrait que vous essayiez de parler, ne fût-ce qu'avec une pierre sur la langue et en dessous de la langue. D'accord. Et donc, en principe, vous allez saliver moins, mais donc, vous aurez moins soif. Parce que là, j'ai très soif, par exemple. Oui, ça bien va couper ma soif. J'arrive avec les pierres. Ok. Ce sont ces pierres aux reins. Il a été cherché en Allemagne dans le rein, en fait. C'est ma vésicule séchée. Oh, dites non. Bon. Oui, ça a été lavé. À l'urine. Oh. Et il ne faut jamais les rincer après, hein, Philippe, voilà. Vous confirmez, bien sûr. Alors, dites-moi alors. Une sous la langue. C'est gros, dites-moi. J'ai une toute petite langue et une toute petite bouche. Attendez, la grosse ou la plate? La plate. La plate. Et la grosse sur la langue. Et l'autre, on la met où? Sur la langue. Comme un hamburger. En fait. Oui, c'est ça. Voilà. C'est juste pour parler moins, ça, Philippe. Alors, on s'est fait faire dessus. Vous savez qu'on allait la faire taire, c'est ce que tout le monde a fait. On m'a dit, trouve quelque chose, j'ai réussi. Bravo. Ah ben, vous savez quoi, musique, alors? C'est tout ce que j'ai à dire. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. The taste of the lips. Britney Spears sur Viva Toxic, 120 euros. Proposé par Cécile à Liège, de quoi vous mettre le peps pour ces deux derniers jours. Bon courage pour la dernière ligne droite et merci pour ce que vous faites. Merci pour eux. Vous, merci pour eux. On se mobilise tous ensemble. C'est l'avant-dernière soirée. Il en restera plus qu'une et après, c'est trop tard pour participer, pour se mobiliser. Donc on y va. On fonce sur le site internet vivaforlife.be et on partage la musique qu'on aime. La maman de The Voice, bientôt la cinquième saison sur la une en télé, est là avec nous. Et vous avez fait de nombreux feux de camp aussi, pas vraiment les mouvements de jeunesse, mais donc vous aimer gratter la guitare. On était un jeunesse qui mouvementait, c'était oui. Plutôt... Avec des trucs qui se passent dans les bois, on ne peut pas tout dire. Hein. Ouais, non, dans le bois, dans les marécages, tout ça. Bon, nous, on était un petit peu des rats de marécage. Donc. Et c'était pas grave. Mais bon, les alligators avaient peur de nous. Vous on allez manger, on mangeait ça. Il y avait des moustiques. Dans les bayous. Ah oui, les moustiques sont tellement grands, on tire dessus avec un carabine. Bon, Olivier, cas, attention, c'est votre totem, donc attention. Ah, moustique, mais c'est pas ce genre de moustique. Pourquoi, aux genres comme moi, vous leur faites quoi? Bidji, qu'est-ce que vous allez nous chanter? Ben, je vais faire un petit défi pour mes amis. Ah, ah. Attention. On va voir s'ils connaissent en français cette chanson. Moi, je vais faire en anglais et puis vous allez faire en français si vous le connaissez. Juste un petit peu pour le fun. Là. En train de piquer okay. La bagnole de Bidji, là. Oui, c'est ça, j'entends. Elle part sur un plateau vers Liège. Non, elle arrive. Riding on the city of New Orleans. Quand l'amour fait place au quotidien. Ah oui, ça a été vite ça. Go. On n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. Eh oui, allez Philippe Lambillon, hop. Il faut partir, laisser ici nos souvenirs. Nanana, si tu veux. On va arriver au refrain bientôt, mais vas-y. Maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. Là, vous allez connaître. On s'est aimé comme on se quitte. Simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Vous êtes Dieu qui quelquefois ça sonne un peu trop bien. C'est pas bon tout ça. City of New Orleans. La City of New Orleans. Willie Nelson qui l'a fait. Good morning America, how are ya? Ah oui d'accord. C'est quand même mieux. Saying don't you know me. City of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. Wow. Pas mal, les gars. Merci, hey. Peter Scott. Merci. Mais toi, au quart de tour, Adrien. Oui. Il est incollable, le mec. En blind test de chansons. Feu Joe Dassin. Oui, oui, je sais. C'est par contre, je suis un peu moins doué pour les chanter. Mais pour les reconnaître, je suis pas mal. Vous savez quoi? On avait remarqué, Adrien. Merci, Sarah, pour votre franchise. Bidget, gros bisous. On vous embrasse. Merci, bientôt de Voice à voir sur la une pour la cinquième saison. Yep. Rendez-vous là, on a le grand C de la ville de Charleroi. Il a été vendu aux enchères déjà, mais on a promis à l'acquéreur que tout le monde le signerait. Donc, Bidget, c'est à vous. Laissez un petit message. Les marqueurs sont là et vous laissez un petit message, des petits cœurs, des mots d'encouragement. Grand plaisir. Pour me dire où vous êtes l'année prochaine, parce que ça, je mets dans mon agenda ce soir. Pour ceux qui nous rejoignent, il faut savoir que Bidget était prévue depuis un petit temps déjà. Et puis, elle était prévue plus tôt aussi dans l'émission. On se dit, bah, tiens, où est Bidget, tout ça. Et puis, elle nous appelle et dit, hé, je suis place à Tétienne. Toi, t'es où? C'est-à-dire qu'on a déplacé la digue à Charleroi. Encore un peu, il y avait un showcase de Bidget ce soir, place à Tétienne improvisé. Merci Bidget. Donc, avec grand plaisir. Bravo à tout le monde. De la ville de Charleroi, merci à vous. Léona Lewis, Survivor. Yes, de l'ambiance encore. Grâce à vous, c'est un don. Forgive me. There's a first time for everything. It's definitely one of the nights. I knew when I looked in his eyes that he was gonna be trouble for me. I never wanted to lie. I knew that my baby would cry if he knew what we were doing. But if his love don't pass the test, I gotta get it from somewhere. should I be put through hell? He's doing what he wanna do. And I finally found somebody else who really wants to make me feel things that I've been missing so long. And his love always passed the test. It's a shame I had to look somewhere else. Well, I'm grown and I need a man. I just hope that he understands. I gotta take a chance tonight. Well, I'm taking it. Be myself and I can wake the world. Sitting on the man, I really hope, hope you forgive me. Hope you forgive me. C'est fini, c'est fini. Oui, oui, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est parce que j'ai pas pote à la boîte aux lettres, figurez-vous. Ben oui, je passe plus de temps à la boîte aux lettres que derrière le micro, ben forcément. On a encore une nouvelle chanson. Ah, c'est bien, on va passer un bon moment. N'hésitez pas à chanter chez vous aussi. C'est soirée feu de camp, on est tous ensemble près d'un bon feu. On est bien, on est collés les uns contre les autres. On partage notre bonne humeur et nos émotions aussi. Fadi est là, Renaud aussi, BJ. Vous restez alors, BJ? Ah, tu sais, moi, quand il y a la fête. Ouais. D'accord. On va trouver un totem. Sortez les cubis. Qui est-ce qu'on doit totémiser ce soir? BJ. Il y a Cyril qu'on va devoir totémiser ce soir parce que Cyril. Ah, il vient d'arriver d'ailleurs. Ah, salut Cyril. Salut, tu vas bien? J'ai entendu. Ah, non, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Et Cyril qui a avoué tout à l'heure qu'il poussait les scouts quand il patinait. Non, il les faisait pas. Je les faisais tomber. C'est vrai, il faisait des chaînes sur les patinoires. Et ça m'énervait parce que moi, je pouvais pas patiner. Alors pour aller plus vite, hop, je passais. Eh bien, Cyril, pour tous ces scouts, nous allons nous venger. Il me semble, ça doit sentir la vengeance ici. Et j'ai jamais acheté de masse-pain au scout, désolé. T'es prêt, enfant? Parce qu'à mon avis, ça va être une totémisation de la mort qui tue. Si tu veux chanter avec nous, tu t'invites, tu t'installes, évidemment. Bon, on va chanter. On y va, on y va, go. Non, c'est pas celle-là. Ma belle gazelle, c'est toi que je veux. C'est toi, oui. Sur mon terrier, gazelle, gazelle, ma belle, gazelle, ma belle, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux, ma belle gazelle, ma belle, c'est toi que je veux. Il mit tant de flammes dans son beau discours, que même l'hippopotame en pleura d'amour. Les étoiles au ciel jaillirent de bras. Vint au rendez-vous. Hey, hey, hey! Ma belle gazelle, ma belle gazelle, ma belle gazelle, c'est toi que je veux. Ma belle gazelle, ma belle gazelle, ma belle, c'est toi que je veux. Hey, hey! J'ai loué les panthères, tous les rhinocéros. Ils se marièrent, oui. Et de leur union naquirent ma chère des petits oisillons. Ma belle gazelle, ma belle gazelle, c'est toi que je veux. Ma belle gazelle, ma belle gazelle, c'est toi que je veux. Que nos auditeurs soient contents, je ne sais pas. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. On est content en place de la digue, là. On acquiesce, on reste. C'est ça aussi, les scouts. Vous chantiez beaucoup quand vous étiez au scout, vous, Adrien Jovenot? Oui, souvent pour la fin, quand les gens devaient partir, oui. Pour faire fouiller. Ah, oui, quand oui. Il fallait que les parents rentrent, et ça, oui. On me faisait chanter et tout le monde s'en allait. Bienvenue au club. Moi aussi, moi, c'était horrible parce que j'adorais ça. Et puis, à la veillée, tout le monde se mettait loin de moi. Oui. J'étais toute seule, j'avais personne à gauche ni à droite. Oh. Mais je ne sais pas pourquoi. Oh. Je chante juste quand même, non? Mais oui, oui. Je sais pas pourquoi on nous appelle Panoramix. Le bruit qu'on va y aller, ce soir, le baromètre, c'est Cubi et il n'a pas encore bougé. Non. Vous voyez non, qu'il non. Il s'y fait à notre studio, oui. Il s'y fait à l'ambiance aussi du studio de Verre, ici, place de la Digue, à Charleroi. On revient juste après les infos. Viva for Life, avec nos partenaires. Aqualibi pense à tous les enfants et soutient Viva for Life. Red Market, vos courses moins chères, rapides et solidaires. Red Market soutient Viva for Life. Il est 1h. Mickaël Menten pour vous informer. Bonsoir. Les 5 personnes interpellées dimanche soir à Bruxelles et ce lundi matin à La Keune dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Paris. Eh bien, ces 5 personnes ont été relâchées en fin d'après-midi après leur audition. Cela dit, l'enquête concernant ces 5 individus se poursuit. Elle se concentrerait autour des conversations téléphoniques préalables aux attentats du 13 novembre dernier. De nouveaux heurts entre l'armée turque et les rebelles du PKK, du Parti des Travailleurs du Kurdistan. Des violences ont fait plusieurs morts dans le sud-est de la Turquie, où les forces de sécurité mènent depuis une semaine leur plus grande opération de ces dernières années. Des fusillades nourries, accompagnées d'explosions nombreuses, ont été entendues dans plusieurs villes. Dans son dernier bilan dévoilé, l'état-major turc fait état de plus de 100 rebelles tués dans la province de Diyarbakir. Sepp Blatter et Michel Platini vont faire appel de leur suspension de 8 ans de toute activité liée au football. Sanction infligée ce lundi par le comité d'éthique de la FIFA pour conflit d'intérêts et gestion déloyale. En cause, un versement en 2011 d'1,8 million d'euros à Platini pour une mission effectuée 10 ans plus tôt. Selon une source proche de la FIFA, c'est un logiciel spécial qui aurait permis de repérer le versement controversé. Et puis un mot de Formule 1, le constructeur automobile français Renault revient en F1. Il a finalisé le rachat de l'écurie Lotus. Renault sera d'ailleurs de nouveau dans le paddock dès l'année prochaine. Merci de nous écouter. Très belle nuit à tous. Les maracas Viva for Life Belfius et faites-vous entendre pour les enfants défavorisés. Belfius, nous nous engageons à 100% pour Viva for Life. Viva for Life. Viva for Life. Avec Sarah de Padua. Le marathon, le grand marathon de la solidarité. Bienvenue tout le monde, bienvenue sur la Une en télé, bienvenue sur vivaforlife.be, bienvenue sur Vivacité évidemment, où là vous nous quittez jamais. C'est un grand défi. 24 heures sur 24, la musique a du cœur. C'est vous qui faites la programmation, donc profitez-en. À cette heure-ci, 1h du matin, le moyen pour le faire, c'est vivaforlife.be. Vous allez sur le site, vous partagez la musique que vous aimez, vous choisissez un morceau, vous le dédicacez peut-être en échange d'un don, bien évidemment. Si vous n'êtes pas trop musique, vous laissez plutôt guider, pas de problème, on s'occupe de tout. Vous pouvez envoyer un don par SMS au 4001. Vous démarrez par votre numéro de compte, un espace et le montant que vous voulez verser à l'opération. Et on est là aussi, un versement bancaire, c'est tout simple. 8x0, 37, 37. 8x0, 37, 37. Soirée spéciale feu de camp avec un défi à relever dans quelques minutes. Un défi lancé par Yves Duteil. On en parle dans quelques secondes. L'occasion pour moi de vous présenter qui est autour de la table. Et nous avons du bon monde. On commence par la mama de The Voice qui va démarrer bientôt sur la Une de Voice 5. C'est BJ Scott qui est ici dans la place avec sa guitare et on a déjà bien chanté. Ouais. Il y a Philippe Soreille qui est là aussi, des ambassadeurs avec sa gratte aussi. Yes. Philippe Lambillon des Carnets du Bourlingueur. Adrien Jovenot, un scout toujours prêt depuis qu'il est sorti du ventre de sa maman. Toujours prêt, Adrien. Luc Noël est là aussi, de Jardin et Loisirs. Il y a Nicolas Xavier Ladouce qu'on connaît de la météo, bien évidemment. Hey. Et dans quel temps. Et puis Olivier Cole qui anime Liège Matin tous les matin de la semaine. Alias salut Olivier. Moustique. Alias Moustique. Bzz. Voilà, je veux pas de moustique dans le studio de verre. Vous êtes prêts? Nous aussi, ça tombe bien. Viva for Life. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis. Deeper than I can't feel high and I les Fornon Blondes, What's Up, Emily Atamine, 10 euros pour Via for Life. Et alors, elle a laissé une dédicace. Alors, c'est assez comique. Clin d'œil à BJ Scott qui s'est retrouvé à Liège au lieu de Charleroi et qui s'est demandé what's going on. Du coup, le choix de la chanson. Courage à toute l'équipe, c'est bientôt la fin. On vous regarde le matin en se levant et on éteint qu'avant d'aller dormir. Merci. Excellent, pour excellent. Ceux qui nous rejoignent sur la une, BJ Scott était attendu au studio de Verre et puis elle était du côté de Liège, de la place Saint-Etienne en disant hey, quoi, what's going on excellent. Vous êtes où ben, non, BJ, on est à Charleroi cette année, vous le savez pas. Merci pour. Ouais. Charles Ballon, non, non, non, non, non, non, non, non, voilà, ah, justement. Justement. Alors, c'est le moment, c'est l'instant. C'est important. C'est l'heure du défi. Défi lancé par un grand de la chanson française. On l'a tous chanté, surtout si vous avez participé au scout, au guide, au patro, évidemment, il figure dans tous les chansonniers, les bons chansonniers de la chanson française. On écoute Yves Duteil avec son défi. Bonsoir, c'est Yves Duteil. Salut les habitants du Cube Viva for Life. J'espère que vous allez bien et j'espère surtout que vous tenez le coup. En tout cas, il reste 2 jours pour récolter un maximum de dons. Et pour vous encourager, sachez qu'une soirée feu de camp vous attend ce soir. Alors, en tant que parrain, je vous mets au défi de me créer un alphabet scout pour 1h du matin. Bon courage, bonne soirée. Et n'oubliez pas, la musique a du cœur. Ah ben, je sais pas vous, mais quand c'est lui qui le dit, on a envie de tout de suite aller sur vivaforlife.be et faire un don, évidemment. Ah oui, oui. Alors, que cela ne nous éloigne pas de notre défi. Est-ce que vous êtes prêts? Il est 1h09, vous avez bossé comme des malades, là, de l'autre côté du studio, autour du feu de camp. Alphabet. Alors l'idée, effectivement, c'est de reprendre une chanson et à la fin de chaque phrase, oui. De terminer par une des lettres de l'alphabet en les faisant se succéder de A à Z, c'est un peu ça le principe de l'alphabet scout. Alors, merci, on s'est réunis Adrien. Entre nous. On a Sylvie Honoré dans les coulisses nous a un petit peu aidé aussi. Et on va y aller directement à la guitare. On s'était dit avec une guitare. Là, on vous fait une version un peu soft. Et après, on rentre en studio avec BJ, évidemment, pour faire une version plus symphonique. Okay. On va commencer par la version acoustique, si vous voulez. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts, mais vous. On est toujours prêts, nous. Hein. Vont-ils relever le défi de Yves Duteil? On voit ça tout de suite. On vient faire notre BA. Ah, ah, ah. Pour aider les bébés. B, B, B. La tirelire est cassée. C, C, C. Il faut tous s'entraider. A, B, C, D. Le corps va exploser. Eh. Vous êtes vraiment des chefs. F, F, F, des gens très engagés. G, G, G, au soleil sous la drache. F, G, H, on vous attend ici. I, I, I, pour un jour de magie. J, J, J, sortez l'harmonica. K, K, K, ça vous donne des ailes. I, J, K, L, dans le cube on vous aime. M, M, M. Vous êtes sur la bonne chaîne. M, M, M. Pas l'heure de faire dodo. Oh, oh, oh. C'est pas le moment de zapper. M, M, O, P. On sera jamais vaincu. Q, Q, Q. J'aime bien ça. On est vos supporters. R, R, R. Des dons et des promesses. S, S, S. Branchez vivacité. Q, R, S, T. Vous êtes de bienvenue. On va y arriver. V, V, V. C'est une bonne idée. X, X, X. Les enfants, on les aide. X, Y, Z. Bravo. Merci. Défi relevé, bravo les gars, félicitations. C'est réussi, on demande à la grande cheftaine, c'est réussi. Et bravo. Oh, oh, bon, ça va, 10 super. Sur 10, ouf. 12 sur 10, ouf. 20 et, sur 10. Et Yves Duteil, qu'est-ce qu'il en pense? Yves, allô. Faut en mettre la bande ou quoi? Yves, t'es où? Mais t'es pas là, pas mais temps t'es de faire dodo, pas le temps de faire dodo. Non, franchement, il y a un talent d'écriture là derrière. Merci beaucoup, vous êtes fêtés apparemment. Alors, je vous passe les trucs, on a quand même hésité à un moment donné avec... peut le dire quand même. Oui, oui. Oui. Dis-le. Il fallait avec la lettre Q, et alors, franchément, ça prête un petit peu à. Ouais. Plaisanterie. Et Adrien a eu l'idée. Ben j'ai dit, par exemple, je citais une autre chaîne concurrente, ouais. Là dans le cul. Ah ben vous savez, on l'a refait, je préfère cette version-là. C'est celle qu'on va garder pour passer sur la une télé. C'est le nom d'une chaîne au nord du pays, hein, donc on a, évidemment. Alors bravo, on a eu d'autres délires, mais je ne vais pas vous le dire. Avec la lettre H, on avait des idées aussi assez sympas. Mais on est resté très, très scout, finalement. On est resté très scout, très très scout. On va pas dire toujours une heure du matin, tu aurais pu te laisser aller. La version adulte. Hein, mais oui, même. Évidemment. Oui, mais ça va être encrypté. Ça va être encrypté. Vijay, vous nous préparez une version adulte alors pour dans quelques minutes ou pas? On va se retirer. Hein, on va faire une petite version. Allez, okay. Attends, ça va se voir le Mars Empire. Il vaut mieux que Be Quiet. Ok. Donc, pas touche en gros. Pas touche. Je me fais trucider à la maison. C'est une belle journée, c'est une belle soirée, merci de nous suivre. C'est Mylène Farmer, le choix d'Anthony à Bruxelles, qui a proposé cette chanson en échange d'un don, évidemment. C'est bien. Ouais. Je c'est une belle journée. Anthony qui nous laisse un message. Il est passé via le site vivaforlife.be et donc il nous laisse des messages d'encouragement, notamment comment ne pas terminer une si belle. Ça va. Il y a Cubi qui est là devant nous sur la table et il a failli se prendre une gamelle. Il se plante, mais alors il se plante. Il veut traverser la table. Vas-y, vas-y, Cubi. Vas-y, tu peux y aller. Tu n'as pas vu que du lait. Il a toujours des grands yeux. On dirait qu'il va nous manger. Qu'est-ce qu'il a vu? La lampe rouge. Aïe, aïe, aïe, non, il va prendre les manettes. Il va sur l'écran. Cubi, viens, viens, viens. Il va lancer les jingles. Il adore ça, hein. Oui, regarde. Tu veux annoncer? Vas-y. Tu veux dire au revoir à nos amis? Au revoir les amis. Nicolas Xavier, enlève ta main du chat. Ça lui fait mal. Merci les gars d'être passés. Il y avait Luc Noël de Jardin. Une attaque en règle. Parce que je crois que je crie un peu dans ses oreilles. Parce que là, on était sûr et certain qu'il était gentil. Mais gentil, beaucoup moins en fait. Je crois que c'est parce que j'ai un peu crié dans ses oreilles. Un connaisseur des fauves qui est avec nous, ça va nous aider. Philippe Lambillon, merci beaucoup. Il attaque aussi Philippe Lambillon. Il a peut-être un petit peu faim, finalement, Cubi. Merci d'être passé via le studio de Vert. Merci Adrien Jovenot. Merci beaucoup, merci, Sarah. Bon courage. Merci à tous. Philippe Bravo. Soreille, merci. Merci, c'était un régal. Rendez-vous dans les ambassadeurs, Benny, évidemment. À bientôt. En 2016. Gros bisous, on continue la soirée. Forcément, il y avait BJ Scoot aussi qui était là. Et Nicolas Xavier Ladouce, scout toujours prêt. Et les gars, vous signez tous le grand C de la ville de Charleroi. Oui, on s'est engagé, évidemment, ce grand C est parti aux enchères avec la signature de tout le monde qui passe ici dans le studio de Vert. Continuez à partager la musique que vous aimez, on est là pour ça. On fait... Attendez, on va voir si Philippe Lambillon arrive à apprivoiser. Aïe, aïe, aïe. Et regarde. Dites, on l'a un petit peu énervé, Cubi. Cubi, ça va aller. Calme. Tu peux aller un petit peu dans le canapé si tu veux, d'accord? Qu'est-ce que Philippe Lambillon donne comme conseil face à ce genre de... David Bowie, c'est Ronald à Manage, 50 euros, bien ça, 50 euros pour Viva for Life. Slashback blazers and ate all your razors while pulling the waders, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Ooh. Get back on. Jean Genie lives on his back. Jean Genie loves Jimmy Stacks. Smiles like a reptile. She loved him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. Let yourself go. was around you crawled. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. La bougie dans le vent, soirée feu de camp. On est dans le thème, c'est Elton John, c'est Jacqueline à Bruxelles. 50 euros au profit de Viva for Life. Elle me fait penser à ma mère qui était anglaise. N'hésitez pas à dédicacer aussi vos chansons, à faire plaisir. VivaForLife.be pour partager la musique que vous aimez. On est là pour ça, évidemment. Nous avons un couple à la boîte aux lettres. Bonjour. Bonjour. Vous avez l'air très très amoureux avec votre chérie. Ben oui, ça fait 10 ans qu'on est mariés. Et oui. Ben voilà. Un bisou. Un bisou. Cyril un qui bisou. Réclame un bisou. C'est bien vrai ça. Ouais. Et puis on venait vous soutenir parce que franchement c'est une super opération. On a 3 enfants en bas âge et voilà, c'est inacceptable d'avoir autant d'enfants dans la pauvreté. Et voilà, on voulait vous soutenir jusqu'au bout. Je sais bien, Sébastien est en train de dormir, mais oui. Bravo à vous trois et puis à toute l'équipe en autour. Et puis continuez comme ça. Et voilà, on vous soutient et on vous écoute à la radio, on vous regarde à la télé. Et vous dormez parfois quand c'est même. C'est super. Ouais, quand même, ouais. Oui, parce qu'ils sont où là, les enfants, par exemple? Ah, ils dorment. Il y a une babysitter qui est là et puis. Nous, on a été à Lille voir un concert avec les danseurs pro de Danse avec les Stars. Oui. Et c'était super. Et on s'est dit, on va repasser par Charleroi. Et oh, super. Vous avez fait le détour, alors. Exactement. Et vous rentrez où, alors? Et on rentre sur Philippeville, maintenant. Sur Philippeville. Ouais. Bah, merci d'avoir fait le détour. Et si vous aimez Loïc Notaire, rendez-vous demain ici, Place de la Digue, à Charleroi. Mais oui, sera je sais. Là oui, pour oui. Quelques chansons. Bien entendu, donc, on essaiera pas. De passer, voilà. Super. Allez, bon courage, en tout cas. Merci. Vous faites un don, évidemment. Ça, c'est trop sympa. Merci. Voilà. Hop, allez, un billet bleu. Merci. Merci. Et bonne nuit d'amour. Merci. Roucoulez bien. Hein. Vous nous raconterez, d'accord? D'accord. On peut pas dire ça. Ah, mais il a dit OK, d'accord. Et les photos? Non, ça, on peut pas. Demain vers 7h. C'est la journée de l'orgasme, en plus. C'est vrai. Et c'est oui. La journée de l'orgasme. Profitez-en bien. Et c'est la nuit la plus longue, en plus. Ouais, trois chacun, d'accord. Ça fait six. Ah non, on peut les combiner. Oui, c'est vrai. Bah, a priori, c'est les deux ensemble. En général, ça se combine toujours. Enfin, moi personnellement. Non. C'est pas forcément synchro, mais on espère que les deux peuvent quand même l'avoir. Quoi. Si, mais je veux dire que voilà, il y a la femme, tu peux en avoir plusieurs, et le chouchou un, voilà. Six sur la dix. Ça dépend quel chouchou. Merci chouchou. Nicolas Xavier. Est-ce que c'est aussi la question parce qu'il va dire mais qu'est-ce que tu racontes à la télévision? Est-ce que ça va de pair avec la journée du don d'orgasme? c'est pas aujourd'hui ça. Ah bon. Qui reste calme. Olivier Cole est là. Nicolas Xavier Ladouce. Olivier, vous avez un petit jeu à nous proposer. Ah, effectivement, ça n'a rien à voir avec le sujet précédent, évidemment, je vous rassure, Sarah. Parce que vous allez en être non pas la victime, mais la principale actrice. Oui, non, donc pas du tout ça. Je crois qu'on va nous amener un peu de matériel. Toujours pas de rapport. Mais il va être question de foulard. Oui, alors un foulard, on en a sous la main. Donc je vais détacher ce que j'ai. D'ailleurs, je tiens à embrasser tous ceux qui m'ont prêté les vêtements parce que moi, je ne retrouvais pas mon foulard tout rouge de la 24e unité de Rix en Sarre. Donc j'ai deux foulards, j'ai une belle chemise de Patro prêtée par Lucie, ma super voisine qui est vraiment là pour moi. C'est toi qui allais vendre des massepains devant l'entrée du ciné-centre. On a fait ça aussi, monsieur. C'est toi qui les as pas achetés. Anti-scout, on arrête. J'ai pas poussé les scouts, ils tombaient tout seuls quand je patinais à côté d'eux. C'est pas pareil. Ouais, bon, c'est Cyril, ça. On dit scout un jour, scout toujours. Et au bout de cette pas un jour, scout jamais. Tu seras scout toujours. Attention. Je vais aller bander les yeux de Sarah. Oui. Et en parlant de foulard, gros bisous à Léopold aussi qui m'a prêté. C'est le filleul de ma meilleure amie. Il a 10 ans. Merci les gars, merci d'avoir tout prêté. Et par contre, oui, les scouts, ça peut servir à un truc, les gars. Regardez. Je laisse le casque ou pas? Je vais devoir bouger ou pas? J'en profite, Nicolas Xavier Ladouce. Regarde, j'ai été piqué par je sais pas quoi. Est-ce que les scouts, vous avez une solution? Philippe Lambion est parti. Mais je peux imiter Philippe Lambion si tu veux. Et qu'est-ce que tu proposes? Parce que là, je pense si que. Si vous vous êtes fait piquer par un moustique dans la jungle, eh bien, il faut sucer le nectar, bien sûr. Non, le venin, bien sûr. Bien sucé. Il faut pisser dessus. Les gars, j'ai les yeux bandés. Hein. Ça y est. Oui, c'est vrai. Alors, nous allons appeler Sarah. Alors, pour contrôler que Sarah ne voit rien. Oui, c'est impressionnant ce qui est derrière on Sarah. On fait semblant. Voilà, il n'y a pas de réflexe. Donc, c'est bon. On peut lui taper des boules de Noël sur la tronche aussi, normalement. Non, pas de réflexe. Donc, c'est très bien. Nous pouvons faire rentrer un gentil collègue dans le studio. Et il va falloir deviner, puisque Sarah, il s'agit du jeu Colin Maillard. Ouais. De quel collègue il s'agit? En le palpant, bien sûr. Oui, alors le collègue peut se rapprocher de ça. Sinon, on va avoir un accident le studio. Et ça va pas palper comme d'habitude dans les bureaux. Hein. Non, voilà. Alors déjà, il a un foulard. Jusque-là, c'est bien. Ça, quand vous avez des propositions, comment vous y allez. Hein. Est-ce qu'on peut amener un micro près de Sarah, Nicolas Xavier? Voilà, il y a. Voilà, Cyril s'en charge. Du gel. Ah, il y a du gel sur les cheveux, entend-on. Une barbe. C'est Vincent Van Dessel. Bravo! Ouais, elle est forte. C'est donc vous avez. Et attends, parce que Vincent, comment ça se fait qu'elle te reconnaisse si facilement touché? Moi, je crois que c'est le gel. C'est infaillible. Le gel et la barbe. Tu t'en sors bien. Bien joué, ça. Félicitations. Bravo, bravo. Vincent qui est chef opérateur. Il est plus là. Deuxième épreuve. Bravo Vincent pour le boulot que tu fais. Deuxième épreuve. Tel Cubi, lorsque l'intensité lumineuse du studio s'est apaisée, Sarah va devoir faire le tour du studio sans se casser la tronche. Oula. Attention au chronomètre. C'est parti. Il faut. Sarah, tout droit. Encore. Non, pardon. Alors Cyril va guider Sarah. Alors, vas-y, là c'est tout droit, tu peux. Vraiment. Là tu es. T'es sur le passe-câble. Non, ne t'inquiète pas, tout va bien, ça ne va pas faire mal. Là tu peux aller tout droit. Non, tourne un peu à ta gauche. Voilà, maintenant tout droit. Et c'est comme si t'allais vers la boîte aux lettres. Alors Sarah a l'impression qu'il y a plein de choses personne, devant elle. Vraiment, sincèrement, il n'y a personne. Tu peux avancer. Mais il n'y a rien du tout. Elle ose pas avancer. Avance, Sarah. Sarah qui vient de toucher une perruque. Tout simplement apporté par Nicolas Xavier. C'est une perruque, c'est la perruque orange. Ne t'inquiète pas, ne stresse pas. Va tout droit, tu ne risques rien. J'ai l'impression que ça repère un peu ses repères. C'est Nicolas Xavier. C'est vivant. C'est pas très gentil de réagir comme ça quand tu le vois. Enfin, tu ne le vois pas en l'occurrence. Sarah, pour le moment, tu as fait un quart de tour du studio. Il reste trois quarts. Alors Sarah, il reste juste 41h41 minutes. Donc si tu peux avancer un peu. Maintenant, tu vas à gauche parce que là, il y a la vitre. Voilà. À gauche. À gauche, tourne-toi. Fais un quart de tour. Non, maintenant ça c'est à droite. Tout paraît hostile. Fais un quart de tour à gauche. Le temps imparti est dépassé. Et le tabouret.

tribu de Dana, c'est le choix de Tim. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Tim? Tim Private AXL, 10 euros pour Viva for Life. Il nous dit chanson de scout, nostalgie des années 90 pour l'équipe Viva for Life qui vous écoute avec plaisir. Tim qui fait partie de l'équipe aussi, et ça c'est la magie de Viva for Life. On est vraiment tous derrière la cause. Vous êtes nombreux à faire des dons aussi dans l'équipe. Donc, gros bisous. Et vous à la maison, au boulot, participez aussi à ce magnifique élan de générosité. Rendez-vous sur le site vivaforlife.be. Vivaforlife.be. J'aime pas cette musique. Alors, Cyril, effectivement, ça te concerne. Nos deux gaillards, nos deux scouts toujours prêts, ont prévu un petit quelque chose pour toi. Bon, d'abord, on va apprendre à Cyril. Alors, on a Moustique d'un côté. Oui. Et toi, Nicolas Xavier, quel était ton totem ? Trois comme ça ? Pas de totem. Pas de totem. Il y en a inventé un avant de rentrer dans le Cyril, cube, mais... il n'a pas de totem non plus. Enfin, on va s'en occuper pendant la soirée, t'inquiète pas. Voilà. Il n'y a pas de raison. Alors Cyril, donc, la première chose... Pour rendre les choses un peu plus soft. C'est d'apprendre le salut scout, donc on doit mettre les trois doigts principaux. Mais j'ai pas de short et j'ai pas la grippe et je suis pas dehors, donc je peux pas faire ça. Les scouts, c'est sous la pluie en short. Le pouce doit aller chercher l'auriculaire. Hein, voilà. Parfait. Voilà. Ben nickel, voilà. Un foulard. Oula. Un foulard qui arrive. Cyril, mais non. Il se transforme. Déjà, non, pas en deuxième manche de Colin Maillard, mais en vrai scout. Vous imaginez ? Là, tu ressembles à un scout déjà. Mais c'est dans l'autre sens, le foulard. Ça fait Dalton. C'est au-delà de ma religion de porter ça. Voilà. Ah, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Pourquoi vous mettez les foulards ? Je croyais au moins que tu savais ça. Bah parce que je t'ai mis à l'envers, je me dis, va le retourner. Bah même pas. Il sait même pas ça. Ah non, le nœud doit être côté torse. Mais à cause de quoi ? Ça, j'en sais absolument rien. C'est regarder chaud dans le cou, à mon avis. Ça doit être ça, ouais. Bon, alors, Cyril, nous avons donc un défi pour toi. J'ai piscine. Salut les gars. Tu restes. Quand on pense au scout, au chant, on pense au banc. Oui. Et donc on pourrait faire un banc pour chanter, mais non, là c'est un banc en bois que tu vas devoir nous... Je dois construire un banc. Alors on le décrit. On fait ça à chaque camp, Cyril, je te signale. Ça s'appelle des brelages, donc avec uniquement du bois et de la ficelle. Ben les gars, asseyez-vous par terre. Qu'est-ce que vous ennuyez ? Moi j'ai bien l'impression, Nicolas Xavier, qu'on va s'asseoir sur un banc avant 6h du matin. C'est pas dit. Un autre pas. Nicolas Xavier, décrivez-nous un petit peu ce banc à la main. Décrivez-nous. Décrivez-nous un peu ce banc. Non, et c'est la magie aussi des camps, c'est de construire des tables, des chaises, des lits, juste avec de la corde et du bois, c'est ça. Hein, Cyril, franchement, on a fait ça. Moi, on a fait des lits, des tables avec des piloris, etc. On a des pilotis. Le pilotis. Balle au centre. Vous savez quoi ? Parce que on peut aussi placer Cyril au pilori, mais ce sera moins sympathique. Bon, alors enfin, voilà. le banc, Nicolas, il faut décrire le banc. C'est un banc. Vous voyez un banc en bois, c'est un banc de bois. Sauf que le cannelage sera remplacé par de la corde tressée sur laquelle on doit pouvoir s'asseoir. Ah ouais, mais si on fait les choses, mais pas dans les règles de l'art, alors là, moi, je peux pas réaliser ce défi. Hein. Et alors, le défi sera réussi si on parvient à s'asseoir dessus, évidemment. Et montre un peu le banc. Vous suivez ça sur le Live Center. Donc, Nicolas, Xavier et moi-même devrons nous asseoir. Si, l'assise est derrière. C'est un rectangle fait de 4 rondins, les pieds. Évidemment, les 4 rondins, et puis 2 rondins supérieurs sur l'assise, et puis une barre horizontale pour le dossier. Bah, laissez-moi si on enlève le cannelage, ça fait une feuillée. Mais attendez, laissez-moi déjà une heure le temps de comprendre le plan. Déjà qu'on vous fait un plan, parce qu'au guide, au scout, au patron, on ne fait pas de plan. Hein. On construit comme si vous vous faisiez des plans. Nous, pas les guides. On dessinait. On a un ingénieur quand même en scoutisme et en woodcraft qui sera là pour sera le joker. C'est Muscardin. D'accord. Salut Muscardin. Voilà, qui va être bien utile pendant cette nuit, puisque tu auras jusqu'à 6h du matin pour nous faire. Et Muscardin va arriver avec le matériel aussi. Tu sais que... Voilà Muscardin qui entre dans le studio. Alors, Muscardin, sois le bienvenu. Et c'est vrai qu'il a une tête de scout. Excuse-moi, Muscardin, c'est chez les scouts que tu as appris à réparer des ventilateurs ? Ah non, on n'a pas de vente d'électricité là. D'accord, parce que depuis 2 jours, il répare des ventilateurs qui tombent en panne pendant la nuit. Et avec de la ficelle et du bois. Du coup, on n'en a plus. Donc, il ne les répare pas très bien. Par contre, j'ai regardé beaucoup MacGyver. Vous pensez que ça peut m'aider ? Pas de toile isolante. Non, mais avec de la corde. Il fait des trucs avec de la corde et du bois. Pas de bombe dans le cube, s'il vous plaît. Pas d'hydrogène, s'il vous plaît. Je vous fabrique un truc de dingue tout à l'heure. Ok, vendu. C'est parti. Fleetwood Mac. Ça va souffler, ça va l'aller. Je vais analyser tout ça. Fleetwood Craft même. C'est le titre Sarah, proposé par Patrick à Anu. 50 euros, bien pour Via for Life, évidemment, vous aussi faites-le. Wait a minute, baby. Stay with me, why? Said you give me life, but you never told me about the fire. Patrick nous a laissé un petit message via vivaforlife.be. Comme l'année passée, comment Sarah fait nous rêver. Sans oublier évidemment Sébastien et Cyril. Au top, vous trois. Merci, merci pour tous vos encouragements. Et c'était Fleetwood Mac avec Sarah. Et ça s'écrit comme moi d'ailleurs. Oui. Sans H. Merci donc. C'est super. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux aussi à venir nous rendre visite si vous nous suivez en streaming sur vivaforlife.be ou sur la Une Télé. Cyril relève le défi au top avec notre boy scout de la bande. Vous, c'est sans H, mais lui, il en faudrait bien une pour couper le bois. Hein, parce joli. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre ici, place de la Digue. Et Yamik, notamment de Anzi, regardez ce qu'il nous a apporté. C'est un petit journal intime pour Cubi. Alors, c'est pour Cubi. C'est merci cool, pour ça. Votre engagement, votre volonté, vos sourires. Et il y a un petit message à l'intérieur. Alors, ça tombe bien, parce que regardez, c'est bien comme ça. Attendez, on a la clé. Des secrets, c'est des secrets, même pour Cubi, je veux dire. Il m'a donné la clé. Il m'a donné la clé. Il y a un cadenas, évidemment. Donc, si vous voulez, je l'ouvre là maintenant. Oui, oui, oui. Vous croyez que Cubi, il a des choses à raconter dans un journal intime? Qu'est-ce qu'il pourrait dire dans un journal intime? Par exemple, qu'il a détruit le maillot du Sporting de Charleroi un soir où il était énervé dans le cube. Où on a un peu chanté. Et peut-être faux, faut bien dire. Tu sais même pas parler le chat. Attendez, donc, j'ouvre donc le canard Cubi, tu me permets? Tu me permets? Oui, oui, voilà. Donc je peux y aller. Attendez, où est-ce qu'il est le petit message? Donc c'est un carnet intime, etc. Bonjour, c'est cher Cubi. C'est écrit en pâte de chat. Hein. Mesures-tu la chance de pouvoir apporter du réconfort à Sarah la pétillante, Seb le justicier et Cyril au grand cœur? Merci à eux et leurs équipes. Merci à toi de leur offrir quelques ronronnements. Ronronnements à eux qui nous offrent 1000 rayonnements. Merci à vous de nous apporter de la bonne humeur. Oh, dis donc, merci Mick de Anzi, super. Cubi, cool. Oh là là, il s'est excité avec sa souris. Je le mets ici, d'accord? Et si tu veux nous raconter quoi que ce soit, tu nous dis tes chansons préférées. Et je sais qu'il avait fait la demande de passer les Aristochats, relevée par nos auditeurs, nos internautes, etc. Donc Cubi, tu y vas, hein. Tu laisses tes mots sur notre journal intime. Comment ça se passe là du côté de la construction du banc? Cyril doit relever un défi. Cyril qui n'a jamais été au il scout, évidemment. Lieu, je crois. Comment ça se passe? Cyril, ça va? Heureusement que tu te fais aider par notre super bien, scout. Je fais ma place pour le moment. Mais donc retourne-y, je t'en prie. Attends, je suis un bon scout qui regarde, je suis un scout communal, moi. Et en grève ou quoi? Allez, file, file au boulot. C'était vraiment le scout communal. On a deux personnes à la boîte aux lettres ici, place de la Digue. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur radio, vous aussi? On va dire ça en local, nous, c'est pas encore la même audience. Mais attendez, c'est pas grave, c'est la radio quand même, et la magie de la radio, l'amour de la radio. Quelle radio, dites-nous? Alors, parlons première. Moi, je suis à Charles King. Oui. Voilà, et moi, je suis à Buzz Radio. C'est deux radios locales, régionales, exactement, pour les Carolos, d'accord? Ouais. Ok, vous savez quoi? Vous êtes des bons animateurs ou... on peut vous faire confiance? On se débrouille, okay, pas encore pour être dans le cube, mais ça va venir. Ah, il y a Cyril qui est blessé. Cyril, qu'est-ce qui se passe? Il a déjà un doigt en moins, ça commence bien. Il en reste 9, hein, c'est bon. Et comment vous vous appelez? Moi, je m'appelle Maya. Maya. Et moi, c'est Alexis. Maya, Alexis, vous avez une minute des 144 heures de défi. C'est à vous d'animer le cube de Viva for Life. Une minute, je regarde la montre, c'est parti. Bonjour à tous, vous êtes sur Vivacité. Il est je ne sais pas quelle heure de la nuit, mais si vous nous écoutez, c'est que vous êtes quelqu'un de très brave ou alors, comme moi, un étudiant en blocus qui vient faire une petite pause au cube et rester sur nos antennes. Et surtout, surtout, faites des dons, c'est important. Ou achetez des petits produits dérivés ou venez voir Sarah, elle le mérite vraiment. Oh, c'est gentil. Excellent. Il reste encore 30 secondes, hein. Il y a un blanc là. Fais une petite blague, t'es tellement parfait avec ça. Non, je vais pas faire une blague à cette heure-ci, je manquerai un peu de vivacité. Ah si, oh, joli. Une blague. Même sur les scouts, on peut. Hein. J'aime pas quand on me met la pression. En plus, derrière, j'ai les gens qui demandent pour passer Jodassin et les yeux d'Emilie. On va devoir lancer une chanson, donc ça va courir. On va me couper le micro à un moment. Une blague. C'est un étudiant qui rentre dans un café et plouf. Voilà, j'avais rien, on met la pression, je ne saurais rien faire. Jean-Jacques Brunin serait là, le jingle de la blague de mer serait déjà parti. Hein. Bravo les gars, merci. Et bon blocus alors, hein. On croise les doigts, ça va? Merci. Vous étudiez quoi? Moi je suis en sciences politiques à Louvain-la-Neuve. Waouh, ouais. Et moi je suis en communication à Marcinelle. Ah, la radio, ça tombe bien alors. Merci. Merci les gars, merci d'être passés. Gros bisous, ciao. Ils ont bien fait ça quand même. Ouais, hein, ouais, franchement, super. Ouais, ça ouais, va. Ouais, ouais. Oh, on a mis un peu la pression pour la blague, mais bon, ça va. Plouf. Elle me dit, c'est Mika sur la une, sur vivaforlife.be et sur Vivacité. Elle me dit, écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être fier, ne finis pas comme ton père. Elle me dit, ne pauvre garçon, va taper dans un ballon, tu deviendras populaire. Elle me dit, qu'est-ce que tu fous sur internet? Ça va pas bien dans ta tête, regarde le temps que tu perds. Elle me dit, pourquoi tu te vins tout le temps? On dirait que t'as 8 ans, c'est pas comme ça que tu vas plaire. Elle me dit, un jour je ne serai plus là. Bruxelles et Terbeek, 70 euros, bien ça, c'est le choix de ma fille Aurore, qui a 7 ans, et j'embrasse Aurore, qui est dans le casque ici, Aurore Sassano de Vivacité évidemment, qui adore Mika. Toute notre petite famille tient chaque année à participer à cette formidable opération, même si elle ne devrait pas avoir lieu, car notre pays contient assez de richesses pour éviter que des enfants souffrent, et pourtant ils sont là, ils sont 80 000, et c'est pour ça qu'on est là, nous aussi, à attirer l'attention, et oh, à faire les fous ici dans ce cube de verre à Charleroi, mais c'est pour que vous, vous fassiez un don évidemment, 0800 30007, le call center à partir de demain matin, et puis via forlife.be via internet, vous pouvez partager la musique que vous aimez. Ça papote ferme là, oui, hein, par oui, rapport à la construction de ce banc. J'ai l'impression que Cyril ne fait vraiment pas grand chose. Comment ça, comment ça je fais rien, j'ai déjà fait un nœud. Ah oui, bah super, attends. Non, c'est pas suffisant. Hein. Et tu tiens le poteau pendant que notre super scout du jour fait tout le reste. Poteau, ouais. Plus que 17 minutes, Cyril. Muscardin, on est bien d'accord. Il y a un timing en plus à respecter. Ah oui, parce que je te signale que tu prends le relais dans 5 minutes. C'est Muscardin qui me retarde, laissez-moi faire, vous allez voir. En fait, c'est les... Oui, laisse-le faire un petit peu, 3 minutes, on va voir, attends un peu. Donc ça s'appelle... Il faut bien savoir que les nœuds en question s'appellent des brelages en langage scout, ce qui veut dire qu'on arrive à assembler deux perches, hein, deux rondins de bois à l'aide de ficelles, et uniquement de la ficelle. Donc il n'y a pas de clous, il n'y a pas de vis, il n'y a rien du tout. Et c'est important de ne pas mêler les fils parce que sinon ça ne tient pas alors, bien. La technique de Muscardin était pas mal, celle de notre futur totémisé Cyril... Laisse un peu. Il paraît perplexe. Tu vas voir que ça va marcher si on saigne des doigts. On pourra s'asseoir dessus. Laisse-moi faire, reviens dans 15 minutes, tu vas voir. Okay. On revient après les 400 chouises. Courage, Cyril, on est avec toi. Quoique, il n'aime pas les scouts, il n'aime pas les guides, il n'aime pas le patron. Alors, je sais même pas courage. Et attention, si vous êtes là et que vous voulez nous suivre, rendez-vous dans quelques heures ou dans quelques minutes pour la totémisation de Cyril aussi avec Olivier Coll et Nicolas Xavier Ladouze. It's been said and done. Every beautiful thought's been already sung. And I guess what now, here's another one. So your melody will play on and on. With the best of them, you are beautiful. Like a dream come alive, incredible. A sinful miracle, lyrical. You saved my life. You placed my mind like dimanche dans The Voice pour la 5e saison, les 400 Trees, Love You Like Love Song, aimer, aimer, aimer encore, quoi d'autre. Et en souvenir des Franco 2015, magnifique, c'est Paul. Paul à Montigny-le-Tilleul, 120 euros dans la cagnotte de Viva for Life, parfait. Faites de même, évidemment, on fait pas ça pour rien. Hein. Et évidemment qu'on ne fait pas ça pour rien. Et il y a une construction de banc qui est en cours, je vous dis pas. Hein. Et Cyril, laissez-moi vous dire qu'il ne s'en sort pas. On va voir ça en image. Cyril, c'est n'importe quoi ton brelage. Cyril, on n'entend rien, c'est peut-être mieux. Toujours des excuses, encore des excuses. Allez les gars, activez-vous. Et Cyril, je te signale que tu vas prendre l'antenne dans 40 secondes. Donc on s'active, on en est qu'à la base de ce banc demandé, proposé par Nicolas Xavier Ladouce et Olivier Coll. Et c'est sympa parce qu'ils aident tous, hein. Tous les scouts s'activent évidemment. Et c'est l'esprit des feux de camp. Soirée spéciale feux de camp avec Cyril, Nicolas Xavier Ladouce, Olivier Coll qui prennent le relais. Bonne soirée tout le monde. Viva for Life avec nos partenaires. Aqualibi pense à tous les enfants et soutient Viva for Life. Red Market, vos courses moins chères, rapides et solidaires. Red Market soutient Viva for Life.